Salut! Et c'est Mathieu Plante. Tout à l'heure, c'était le Mathieu Plante Show qui vient de se terminer. Là, on est en direct, 14h17 en ce 11 mai. Assemblage requis s'en vient dans quelques instants. Juste vous dire qu'on est au courant, par transparence totale, qu'il y a eu une petite pause de peut-être 50 minutes où il n'y avait absolument rien en ondes tout à l'heure. Et c'est ce qui a décalé le Mathieu Plante Show d'un bon 45 minutes. C'est pour ça que j'ai dû couper la fin. Mais c'est pas grave, on va se reprendre avec la rediffusion qui est le samedi matin à 9h ainsi que le mardi à 10h. On va essayer de régler ça. Il n'y a pas beaucoup d'employés assez fous pendant l'été, donc des petits bugs dans le système. Ça peut arriver une fois de temps en temps. Cela étant dit, maintenant, c'est l'heure d'assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Tania nous parlera d'événements culturels et d'un endroit où vous pourriez triper qui n'est pas le Beach Club, espérons-le. Et on jujubilera tous ensemble en dégustant le produit d'une grosse pointe en dresse. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis pour la semaine du 8 mai 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin va être avec moi dans quelques instants. En fait, j'ai l'assurance qu'elle va être au téléphone avec les assurances. Bref, aujourd'hui à l'émission, ça va être vraiment super le fun. On va avoir des surprises comme toujours. C'est notre deuxième émission estivale et on sait jamais trop à quoi s'attendre l'été. Ça se pourrait qu'on ait des participations surprises d'ici la fin. Mais dans ce qu'on sait qui s'en vient, on va voir Tania Is Gonna Entertain You, la chronique de Tania Baudin. Elle va nous parler de musique, de culture et d'endroits où vous pourriez triper. Un endroit où aller, on ne sait pas encore ce que c'est, elle nous réserve la surprise, elle va nous faire ça un petit peu plus tard. On a aussi nos chroniques qui sont les mêmes que la semaine passée. Cette semaine, j'ai décidé que c'était le fun comme formule la semaine passée. Donc on va faire les chroniques maison, Sex Smith, ça ne répond là, avec des gadgets inutiles. On va faire après le crime, avec des gens qui ont commis des actes réprochables. C'est ce que ça se dit, c'est réprochable. Et à la fin de l'émission, une grosse pointe à l'adresse. On va voir, ça devrait être vraiment cool. Une bonne émission devant nous, mais commençons avec la seule et unique nouvelle entrée du côté francophone. C'est notre amie Lydia Kepinski qui vient de remporter le grand concours. C'était quoi les Francouvertes qui viennent gagner? Donc Lydia Kepinski, on l'écoute avec Andromaque. Nouvelle entrée du palmarès francophone. Assemblage requis jusqu'à dans 3 heures. Un petit peu moins que ça. On va pas s'achaler pour 8 minutes là. J'entends les rires lointains de mes frères, transportés par les vents, transportés par les mers. Vous qui étiez unis dans l'errance, revenez, revenez en silence. Vous serez enfin chez vous, comme en une maison. C'est fait en votre absence. Aujourd'hui, j'ai le cœur en poussière. Demain, j'aurai un enfant dans le ventre. Dans la bouche, un arrière-coup de fer. Dans la main, le poids de nos différences. Si mes frères alignés comme des bêtes, ils font la queue, rien qui pour me voir apparaître. Si mes frères alignés comme des loups, ils font la queue, rien que pour me voir à genoux. Tu vois la cocu de fer, c'est ma cloison. Tu vois les roues dans la terre, c'est ma motion. Tu vois ma voix ouvrière, c'est mon horizon. Ah, Le regard ivre de mensonge, il me fallait pour survivre suivre la longe, le fil d'Ariane. Je m'enfonçais dans l'éponge, dans les décombres de vos détails. J'étais Roxane, j'étais Roxane. Le regard ivre de mensonge, il me fallait pour survivre suivre la longe, le fil d'Ariane. Qui m'enfonçait dans l'éponge, dans les décombres de vos détails. J'étais Roxane, j'étais Roxane, j'étais. On le sur le ciliaire que le corps en équilibre, dans les vapeurs d'ammoniac. J'étais démoniaque, en fait, c'est la boue qui vibre sur la pulsation cardiaque. J'étais démoniaque, flashback, les genouillés. La peau qui craque dans le verre qui pèle, le sang écarte. Flashback, les genouillés. La peau qui craque dans le verre qui pèle. Revenez. Brûler en votre absence. Ah. Kepinski et sa pièce Andromaque sur l'album, en fait sur son plus récent maxi. Et Lydia Kepinski, on l'a dit tantôt, était la première place en fait des 21e francs couvertes. Ça vient d'être révélé il y a quelques jours à peine de oui, ça. C'est félicitations vrai. Lydia Kepinski. Félicitations. Oui, c'est la seule nouvelle entrée du côté francophone. On va en avoir une du côté anglophone tout à l'heure, mais on garde ça pour plus tard parce que pour l'instant, c'est le moment de s'acheter des gadgets sur Internet. Voici Ça existe, mais ça ne devrait pas. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a à la collée qu'on achète des choses sur Internet tellement rapidement. Comme ça, on sort la carte de crédit comme un Lucky Luke froup du commerce en ligne. OK, oui. Oh, oui. Et on commence, pourquoi pas, avec Electric. C'est un spray, en fait, qui vous permet d'envoyer des contrôles tactiles sur n'importe quel objet ou surface. OK. Oui, un algorithme. Explication. Ça va lire tes doigts sur une surface en le rendant conducteur de courant. Donc, le monde est rempli d'écrans tactiles de nos jours, mais la plupart sont des surfaces faites de vitre, que ce soit votre téléphone, oui, tablette, peu importe. Maintenant, les chercheurs de la Carnegie Mellon University ont trouvé une façon d'ajouter des contrôles tactiles à n'importe quel objet, peu importe sa forme ou son matériau. Ça s'appelle donc Electric, avec CK à la fin comme un truc de tour de magie, si on okay, veut. Ouais. Et ça utilise un algorithme logiciel pour lire votre doigt sur l'objet et ça garde l'électricité dans le fond le qui est conduite okay. dans votre doigt sur la surface que vous avez envoyé sur laquelle vous avez envoyé le spray. Donc les chercheurs du Future Interfaces Group ont montré quelques idées comment on pourrait utiliser ça. Ça pourrait être moulé sur un téléphone cellulaire pour que ton étui soit tactile. Ah, ça serait pas pire. Vraiment ça. Malade. Ça pourrait lancer une application quand tu fais quelque chose sur ton étui en arrière. Avec de la peinture conductrice, tu pourrais envoyer ça sur une guitare. Tu pourrais avoir des effets de pédale sur ta guitare. Ouais, en touchant sur ta guitare. Ça pourrait être sur ton volant de voiture pour contrôler le volume de ton système de son mm-hmm. ou changer de station, mettre... C'est fou, hein? Il y a du potentiel aussi à la maison. On a montré des prototypes de murs où on pourrait toucher pour faire descendre la luminosité. Rendre ça tamisé patchini barapin juste avec ta main sur ouais, le mur, exact. Tu comprends? Et puis ça pourrait être sur ton ordi. Tu pourrais en envoyer ça pour avoir un clavier sur ton bureau. C'est vraiment cool. Plein de bonnes idées, donc Electric du Future Interfaces Group à Carnegie Mellon University. Ensuite, c'est un étui de téléphone. On vient juste de mentionner le mot étui. Et imagine si à la place de pouvoir le toucher avec tes doigts, tu pourrais te verser un café avec ton téléphone. Oh, OK. Attends, explication encore une fois. Ça ressemble un petit peu à dans le temps où tu avais l'application d'accéléromètre avec la bière, tu sais, oui, quand tu faisais le traverse. C'est vrai. Mais ça va être du vrai espresso. Oh mon Dieu. Je te jure, c'est Mocase, comme dans Mocha et Case. Hein? Oui. Avec ton étui téléphone qui est aussi un distributeur d'espresso. Ça vient d'être lancé sur Kickstarter et on dit que ça va être capable de réchauffer un espresso entre 50 et 60 degrés Celsius pour pouvoir avoir un petit shooter de 25 millilitres. Pour combien? Ça commence à 54 $, c'est pas si pire, américain. OK, c'est pas si pire. Pas si pire. Mais pour l'instant, ils sont encore en train de ramasser de l'argent. Ils sont pas encore à leur but de 82 000 $ US. En fait, dans l'article, on va aller voir en temps réel où ils sont rendus. Ils sont rendus à 4 229 € sur 75 000. Ça avance, il reste encore du temps. Ça devrait être livré pour septembre. Oh, Kickstarter a suspendu le financement. Pourquoi? Ah non, comment ça? Il y avait 90 contributeurs. C'est pas normal. Est-ce que c'est parce que le café pouvait faire peut-être briser ton téléphone? Ou, probablement. La chaleur du téléphone, hein? J'y ai pensé. On s'entend que ton téléphone n'est pas supposé être au chaud comme ça à 50 degrés. Non, c'est ça, exactement. Tu sors dehors à l'extérieur parfois l'été puis ça va te dire chaleur trop élevée, là. Pas sûr. Mais bref, ça demandait des cartouches d'espresso qui étaient réchauffées par la batterie à l'intérieur de ton étui. Voilà, mais bon, on va sauter le reste des détails. On dit que ça pouvait fonctionner sur les appareils Apple, Samsung, Huawei et LG. Mais bon, comme ça ne fonctionne pas, c'est triste. C'est comme ça. C'est depuis qu'on a choisi l'article, parce qu'en tant que tel, il était disponible quand j'avais pris l'article. Mais bon. Oui. Ensuite, le Centre de recherche et de développement d'Intel a une machine distributrice à écran tactile pour donner des morceaux d'ordinateur. OK. C'est pas quelque chose que vous allez pouvoir vous acheter vous-même. Non. Quand même pas. Donc, c'est sur Reddit, c'est l'utilisateur Glumbot qui a vu cette machine-là au bureau de Folsom en Californie de Intel, qui est utilisée pour donner des morceaux d'ordinateur, que ce soit des puces, des petites cartes, des cartes vidéo, je sais pas trop, des vis. Ça existe à certains endroits ici au Québec. Pour frère, oui. Ça, ben non. J'ai déjà vu ces boîtes-là. Puis tu peux aussi parfois y mettre ton cellulaire. Ah oui, pour charger ton téléphone, ce genre de choses. Non. Non? Ah, pour le ouais, c'est ça. Ah. Bref, donc ça fonctionne cette machine-là sur le Core i5 V Pro de Intel et ça utilise le système Audience Impression Metric de Intel qui est utilisé pour connaître donc l'inventaire de la machine. On peut utiliser ça pour acheter des morceaux en scannant sa passe d'employés chez Intel et le coût est automatiquement chargé à leur département chez Intel. Donc on pourrait acheter des piles, des souris, des lecteurs USB, des claviers, des cadenas pour votre laptop, des adaptateurs pour brancher votre ordinateur. Donc c'est vraiment cool et c'est pas unique, comme tu l'as dit, il y en a ailleurs. Les bureaux de Mozilla en ont un aussi, sans l'écran tactile. Mais bref, c'est quand même cool. Chez Matto, mettons dans un magasin d'électronique, genre, je sais pas, la source, depuis qu'ils ont moins de morceaux d'ordinateur, ils pourraient avoir juste une grosse distributrice qui prendrait pas trop de place. Bref. Mm-hmm. Ensuite, on s'en va au centre d'achat où on dit que les gens... mieux. Attends, je vais lire l'article, je me rappelle pas d'avoir que le titre avait grand chose à voir avec l'article. Donc on parle du Rego Center, c'est un centre d'achat dans Queens, qui a installé un système qui envoie des bruits d'oiseaux à chaque 30 secondes environ pour essayer d'empêcher les pigeons de faire caca et de faire leur nid. Okay. Près de l'entrée du centre d'achat. Le magasin avait un problème d'oiseaux, apparemment, dans, ouais, selon ABC7. On utilise l'amplification d'un son agressif d'oiseaux. Tu sais, des genres de oui! Et non pas nos petits oiseaux qu'on a en fond là ici à Saint-Lazare qui sont non, tellement c'est ça, gentils. C'est voilà. Donc c'est ça, les gens se demandaient c'est quoi ces bruits d'oiseaux là au centre d'achat. Il y a même une personne qui disait une personne qui magasinait, un client, un consommateur, peu importe, qui a dit que il s'était déjà fait faire caca dessus au centre d'achat et qui préférait les cacas d'oiseaux que les bruits d'oiseaux vraiment agressifs du centre d'achat. Si tu restes là pendant une heure, il dit que ça commence vraiment à te déranger. Donc, il y en a d'autres qui disent que le son vaut la peine. Donc, on sait pas si ça va rester, c'est ce que ça veut dire. Ouais. On sait pas. On verra. On verra. Toi, est-ce que tu préférais te faire caca dessus par un oiseau ou entendre le son d'oiseau qui dérange? Entendre le son d'oiseau qui moi dérange. Moi aussi, ouais. C'est clairement moins de trouble, hein? Ouais. Ça se lave mieux, les oreilles. Tout à fait. Hey, justement, ça dérange-tu que je fasse une parenthèse vraiment dégueulasse? J'ai peur, mais ouais, vas-y. OK. La semaine passée, je suis allé voir mon médecin pour d'autres choses et il m'a fait faire un petit check-up. Il a regardé dans mes oreilles. Ouais. Et comme à chaque quelques années, j'avais des bouchons dans les oreilles. Oui. Donc j'avais de la difficulté à entendre. T'sais, j'entendais correct, là, mais t'sais, j'avais clairement un problème. Et il m'a dit, il a essayé de les enlever avec une seringue d'eau, là, comme on fait chez le médecin d'habitude. Et il a dit que ça s'enlevait pas, c'était trop intense comme bouchon. Donc il m'a dit, mets de l'huile minérale ou de l'huile d'olive dans tes oreilles à chaque jour, mettons, pour ramollir la cire. Donc je suis allé là mardi et je te jure, la grosseur d'une bille. dans chacune de mes... Ça, hein? Ça a fait ça, ouais, ça a fait exactement ça. J'ai même saigné de l'oreille. C'est... Ouais, des fois, ça fait extrêmement mal de se faire enlever des bouchons comme ça. Parce que ça. C'était pogné après quelque chose, j'ai l'impression. Donc, ça a saigné et ça m'a fait un autre caillou à peu près de la grosseur d'une bille dans mon oreille droite. Mon Dieu, ça va bien, ton affaire. C'était intense, mais là, c'est réglé. J'entends beaucoup trop. Là, je suis en autobus, puis il y a la petite sonnette de prochain arrêt qui me fait freaker. j'ai l'impression d'avoir un super pouvoir d'ouïe. Mais je suis content et c'est ça, je fais ça à chaque quelques années. Et avant, je me faisais des bouchons aux 2-3 ans. Et là, mm-hmm. ça devait faire au moins 5-6 ans. Là. OK. Il y avait un bouchon. Là. Ouais, c'est ça. C'était pour ça que j'entendais mal. Ah, mon Dieu. C'est bizarre, hein, parce que la plupart des gens, ça se nettoie tout seul les oreilles. Ben, moi, je me nettoie les oreilles. Ouais, mais apparemment. Ouais, mais. je sais pas. Non, ça, je comprends, mais moi aussi, je me nettoie les oreilles, là, c'est pas ça le problème. C'est que quand tu marches, apparemment, et que tu écoutes de la musique, ou que tu marches, ou que peu importe ce que tu fais, ouais. que tu parles, les vibrations font sortir ta cire, donc tu peux facilement l'enlever, tu sais. OK, fait que tu parles pas assez, c'est ça, tes oreilles? Non, c'est pas ça. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont un système différent, okay. et moi, peu importe, même si je me lave les oreilles. T'as peut-être trop de poils, les oreilles, fait que ça reste pris là. Ah, ça dépend des gens. Il y a rien de mal. T'es un homme? En fait, j'ai demandé même à mon médecin s'il continuait de mettre de l'huile minérale, allait changer quelque chose. Il me dit « Tu vas faire des bouchons. » Si quelqu'un fait des bouchons, tu vas faire des bouchons. Ouais, c'est vrai. Tu peux pas t'en empêcher que tu fasses, que tu entretiennes tes oreilles ou pas. Donc, allez voir, il y a une page sur WikiHow pour comment nettoyer ses oreilles et les raisons derrière les bouchons. C'est fascinant. C'est pas parce que je m'en occupe pas. Non, c'est pas pour protéger l'intérieur de ton oreille. Ouais, je pense que oui. Ouais, c'est ça. Oui. Bref. On a parlé de ça juste parce qu'on parlait d'oreilles dans c'est la précédente nouvelle. Ça n'avait absolument rien à voir. Et sinon, j'aurais mis ça dans quelle chronique, tu sais? Ouais, non, j'avoue. Parlons maintenant de draps. Tu connais les services par abonnement. On en parle tout le temps. Jouets pour chiens. Produits du Japon à manger, peu importe. Là, est-ce que c'est vrai? Genre... Oui, un système de livraison de draps et de serviettes. Mais non. Si tu veux vraiment, à la place de laver tes draps, tout le temps les changer... Je fais souvent ça, hein? Ah oui? Mais non, mais c'est pas vrai. Mais en fait, j'ai comme deux sets de douillettes. Oui, ben oui. Deux sets, en fait, j'ai comme 6 sets de draps. Ouais. Puis du moment que j'en mets un au lavage, ben j'ai pas besoin d'attendre qu'il sorte de la laveuse. Je mets l'autre automatiquement. C'est le rêve américain, je pense. Ah, c'est merveilleux. C'est beaucoup mieux que J'ai tout le temps l'impression d'avoir un nouveau lit, d'avoir une nouvelle décoration. Ah, j'adore ça. Moi, j'ai seulement un set de draps que j'ai changé parce que le mien était déchiré, là, littéralement, okay. une forme d'un bord à l'autre. J'ai pas eu le choix de le changer. J'en ai juste acheté un. Et puis là, faut que je le lave, faut que je le ramène, que je le refasse, que je le mette. C'est ça. C'est pas le fun. Bref, pas, à chaque pas année, plaisant. Pas plaisant. 10 millions de tonnes de textiles sont gaspillés. Des vêtements, des draps, des têtes d'oreiller, des serviettes et peu importe, ça finit dans les terrains d'enfouissement. Donc, une compagnie de textiles, Koyuchi, qui a créé une façon de réduire un petit peu ce nombre de tonnes-là avec Koyuchi for Life, un service par abonnement qui vous envoie des serviettes, des draps et des duvets, tout ça pour votre grand plaisir. Donc, c'est des cotons biologiques faits sans colorants toxiques, sans javelisants. C'est super beau, donc, apparemment. Donc, automatiquement, ils sont blancs? Oui, j'imagine. Ouais. On a créé donc des systèmes sur 6 mois, 12 mois et 24 mois. Donc, aux 6 mois, tu recevrais de nouveaux draps. Et quand la période est terminée, tu peux soit te désabonner ou continuer et recevoir tout un nouvel emballage dans une boîte. La compagnie va ensuite déterminer quand tu leur renvoies, oui, leurs produits. Ils vont te dire, en fait, si tu peux leur renvoyer. Si ça peut être recyclé ou réutilisé, peu importe. Ça commence à 5-6$ US par mois pour un ensemble de serviettes. Et 2 serviettes de bain, 2 serviettes pour les mains et 2 débarbouillettes. 7 à 11$ par mois pour des draps queen. Mm-hmm. Avec le drap contour, le drap par-dessus et 2 têtes d'oreiller. Okay. 7 à 10$ par mois pour un duvet. Oh, d'accord. Donc allez voir ça. C'est koyuchi.com, koyuchi.com. Voilà. En effet, je ne vois que du blanc sur la photo, sur l'article. Par contre, sur le site web, on va voir s'il y a d'autres couleurs. Ça va être un petit genre de beige, là, vraiment biologique. Comment t'appelles ça? Recyclé. T'as des bruns, t'as des gris. Des trucs comme ça. T'as quand même des designs, c'est beau. Ouais. Ensuite, apparemment que les slingshots sont de retour à la mode. Tu sais, toutes les modes des années 90, les ouais. Pogs, les Tamagotchi sont de retour. Pourquoi pas les slingshots à la Bart Simpson? Mon Dieu, c'est high-tech comme, comme slingshot. C'est une arme, je pense. Oui, hein? Clairement. Quand tu as l'appui pour te mettre sur ton poignet pour pouvoir mieux viser avec ton slingshot, c'est que c'est vraiment quelque chose de c'est sophistiqué. C'est pas des petites boules de papier mâchées que tu vas garager, là. Même le nom est très fancy, c'est le Assaulter SS-12. Exactement. C'est comme le mother of all slingshots, là, comme la bombe qu'on a envoyée en série. Oh. C'est pas mal pareil. Tu viens de comparer ça à ça. Ben oui, mais là. Hein? Ah, Dieu. Bref, Amazon liste ça comme le Assaulter SS-12 Multifunction Super Powered Stainless Hunting Laser Slingshot Hunting Bow with Adjustable Spring and Quality Rubber Bands. Tu y es arrivé? C'est bon? Je suis arrivé avec des élastiques donc de haute qualité et un spring ajustable. un mécanisme qui va vraiment vous donner beaucoup de torque, je pense, dans votre lancer du slingshot. Donc, ça coûte 85$ américains. Wow! Pour ceux qui veulent aller tuer les animaux, je pense. C'est... Les petits poissons, les petits... Faites pas ça avec non, ça. Pas, non, des lapins. Faites pas ça. Oh. En tout cas, ça existe, ça devrait pas. On l'a. C'est sur le site assemblagerequipe.com. Les ressorts sont en métal, tu sais. C'est vraiment une arme, là. C'est vraiment high-tech. Ensuite, un petit bébé téléphone avec Android Nougat dessus sur un écran de 2,4 pouces. C'est pour ceux qui veulent vraiment être low-tech tout en ayant au moins un téléphone intelligent. Oui. T'sais. Donc, c'est la compagnie UniHertz et son téléphone Jelly. Hein, donc, un écran de 2,45 pouces de diagonale. C'est fait pour entrer dans votre poche et vraiment être le plus minimaliste possible avec Android Nougat. C'est disponible en trois couleurs, blanc, bleu et noir. C'est sur Kickstarter. Hein, 4G LTE, batterie de 950 mAh, c'est pas beaucoup. Résolution de 240 par 432 pixels, c'est presque rien. Une caméra de 2 mégapixels à l'avant et 8 mégapixels à l'arrière. Un processeur de seulement 1,1 GHz. Deux possibilités de carte SIM. T'as le choix aussi d'avoir 1 ou 2 GB de RAM et 8 GB ou 16 GB de storage de disque dessus. Donc c'est quand même, pour ça, c'est pas si pire. Mm-hmm. C'est disponible aux États-Unis sur AT&T et T-Mobile à partir de 60$. Ça devrait être envoyé cet été. C'est vraiment un téléphone de base pour ceux qui veulent entrer dans le monde des téléphones intelligents. Vous n'allez pas jouer à des gros jeux là-dessus. Vous allez écouter votre musique. Non, c'est ça. C'est, l'écran est tellement petit, Android fonctionne dessus, mais tu sais, à peine. Genre. C'est vrai. C'est cool. Ensuite, est-ce qu'un bouchon de contenant de pilules par Bluetooth pourrait t'aider à retenir pour prendre tes médicaments? Je sais pas. T'sais, est-ce que t'as de la misère à prendre tes médicaments? Plus maintenant. Plus maintenant. C'est quoi ton truc? Je le laisse à la vue. Ah, ben c'est bon ça. Est-ce que tu mets une alarme sur ton téléphone? Non, parce que je vais tout le temps me coucher à la même heure. Ah, voilà. Puis je le mets vraiment en évidence. Ah, tu vois, moi je le mets en évidence aussi, mais si j'ai pas mon alarme pour me le dire, je vais l'oublier. C'est comme, mettons, là, quelqu'un rentrerait dans ma chambre et se pose la question, c'est quoi ce pack-là? Ben, automatiquement, tu sais, je peux pas mentir. Non, c'est évident, il est là. C'est évident, tu sais, c'est comme, ouais. C'est des médicaments. Il y en a qui vont mettre une alarme normale sur leur téléphone, c'est une alarme comme toutes les alarmes. Oui, j'ai des amis qui font ça. Ça marche pas avec moi, ça. J'ai une application qui me donne une alarme à une heure précise et que si je ne clique pas dessus, la pastille rouge va rester sur l'icône. Okay. Moi, ça me prend ça parce que je vais faire tout le temps un rappel ou plus tard, Okay. Puis il y a un petit 1 qui apparaît sur ma pilule, puis je sais que je dois le prendre. Si mon 1 reste là, c'est que je l'ai pas pris. Okay. Ça, j'aime vraiment ça. L'application, ceux qui cherchent, ça s'appelle Round. Tu vois, là où je vais avoir de la difficulté, c'est par exemple si je pars en voyage ou quoi que ce soit, ouais. Que je range le pack de pilules puis que j'oublie de le sortir en arrivant, ben là, j'y passe pas. Ouais. J'ai un petit truc qui va après mon porte-clés pour mettre une ou deux pilules de chaque là, pour être sûr, ouais. Que si jamais je l'oublie puis que je suis pas chez nous, je peux les prendre quand même. Sauf que là, il faut pas que je clique sur mon truc parce que sinon, je vais oublier de les enlever de mon pack à la c'est maison. C'est ça, exact. C'est compliqué. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un capuchon de trucs à pilules Bluetooth qui existe. Ça s'appelle le Pillsy, P-I-L-L-S-Y. C'est fait pour empêcher les gens d'oublier leurs pilules. Ça s'est lancé, c'était lancé récemment pour 39$ américains et ça va vous rappeler de prendre vos médicaments, vos vitamines ou peu importe ce que vous devez prendre. Ça se synchronise avec une application iOS ou Android qui va aller chercher des informations sur les médicaments dans la base de données de la Food and Drug Administration aux États-Unis. Donc tu pourrais dire que bon, je prends du Claritin et tu vas juste marquer Claritin, ça va tout de suite te donner ton dosage, la période que tu dois le prendre dans la journée, combien de fois par jour, etc., etc. Évidemment, selon ce que ton médecin dit. Les rappels vont venir en message texte, en appel téléphonique ou en rappel sur votre écran de verrouillage sur votre téléphone. Et bien sûr, l'information médicale est privée, donc ça suit toutes les règles. Ils pourront pas vendre vos données à personne d'autre. Donc, dans le fond, c'est ça. C'est juste un reminder, un rappel normal, mais qui est en forme de bouchon et que tu mets sur ta bouteille de pilule, tu comprends? Hein? C'est quelque chose, c'est joli, c'est disponible en deux grandeurs, donc que ce soit les petits capuchons normaux pour anti-enfants, tu sais, qu'il faut que tu vises les deux flèches ensemble, ou sinon pour les vitamines, c'est un autre système qui n'est pas sécurisé, et c'est supposé durer la pile pendant un an, ça peut être remplacé avec une pile de montre normale, et voilà. Évidemment, ça dit que quand tu enlèves le bouchon du pilulier, ça va automatiquement soustraire une de tes pilules parce que ça va pouvoir te rappeler qu'il faut que tu ailles passer une autre commande. Ben oui. Évidemment, si tu sors ta bouteille, t'enlèves le bouchon puis tu prends pas ta pilule puis tu le remets, ça va faire comme si tu l'avais prise. Il peut pas savoir, là, quand même. Et si t'es pas à la maison et que t'es pas dans ton Bluetooth, tu vas recevoir un rappel, mais ça va dire qu'il va falloir que tu l'apprennes une fois que tu reviens chez toi. Bref, il y a aussi des piluliers Bluetooth qui existent. Allez voir dans l'article sur assemblagerequipe.com. Il y a entre autres Tricella qui existe pour le pilulier en général qui serait Bluetooth. Maintenant, écoutons un tatouage J'ai vu ça. Ouais, t'as vu passer ça? Mm-hmm. Un tatouage en forme d'extrait audio. Tu prends ton téléphone, tu peux le scanner et entendre le son. Alors, grâce à l'application Soundwave Tattoo. Si tu veux l'entendre, hein? T'es oui, curieuse. Oui, je suis curieuse. On va écouter ça, attention. Oh! Là, j'ai vraiment enlevé les oiseaux. Là. C'est plus les oiseaux. Là. Ça, ouais, c'est le tattoo. C'est là. Le tattoo. Skin Motions Soundwave Tattoo. Ils peuvent jouer des extraits audio. On se fait tatouer la wave, donc la représentation visuelle du son sur le bras ou peu importe où vous voulez. Il peut y avoir du texte écrit en haut ou en dessous. Et la wave va être livrée à un artiste du tatou. Donc vous allez décider de votre son, vous allez l'enregistrer vous-même. Ça va faire la wave qui va être envoyée au tatoueur, qui va la reproduire. Et ça peut être rejoué pendant... le tatou fini peut être rejoué pendant 24 heures. 24 heures? Seulement? Attends un peu, on va reculer parce que c'est voir ce que ça disait. Là. Attends un petit peu. Juste être sûr de poser n'importe quoi. The finished tattoo is scanned and can be played. OK, va pouvoir être... OK, tu scannes le tatou ouais. Et en dedans de 24 heures, tu vas pouvoir commencer à le lire. Tu comprends? Ah, OK. Donc, dans les 24 heures, tu ne pourras pas nécessairement. Ça va être lancé pendant l'été, l'application et le système qui va détecter ton tatou. C'est une petite bonne idée. On s'attend à ce qu'il y ait un... Lui, il y a un bébé qui un pleure. Bébé qui c'est pleure. Son bébé qui pleure. C'est cute, hein? Il y a comme 100 tatoueurs qui vont être disponibles pour pouvoir utiliser ce système-là. Évidemment, il faut, j'imagine, un supposé training. J'imagine que ça prend un talent incroyable aussi parce que si tu fais une fausse coche ouais. dans la wave, ton son est plus même. On parle d'exactitude. Là. C'est comme les symboles exact. Japonais. Là, genre, c'est vraiment ça. Au poil près. C'est là, au poil près. Si tu prends du poids, d'après moi, ça va dire d'autres choses. Après, c'est un bébé en train de brailler, ça va être le bébé mort. C'est incroyable. Ça ou un gros monsieur qui parle avec une voix. Exactement. C'est l'idée de Nate Seagar, le tatoueur basé à Los Angeles, en Californie, qui est à l'origine du concept. L'entrepreneur a breveté la technologie, développé une application et souhaite maintenant former un réseau de tatoueurs certifiés pour Soundwave Tattoos. Allez voir l'article pour les vidéos. Il y en a plusieurs sur assemblagerequis.com. Ensuite, des films occultants. Tu sais, des fois, dans les fenêtres, chez le dentiste, peu importe, tu vas avoir des picots sur la fenêtre. Tu oui. peux voir dehors, mais dehors, tu peux pas voir en dedans. Oui, tu comprends c'est le principe? Vrai. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a plusieurs manières de faire ça. Le principe ici, c'est pour chercher un décor tamisé pour vos fenêtres. Donc, le principe du produit est proposé par le site Hole Roll, qui est un film occultant classique à placer sur une fenêtre. Mais celui-ci a été perforé pour laisser apparaître un paysage urbain avec plusieurs gratte-ciels. Ça coûte 152$ américains par film. Donc, c'est vraiment... T'as l'impression d'avoir un rideau, donc ça cache vraiment la lumière, là, si tu veux. C'est là. Beau! C'est très beau, mais t'auras pas de lumière qui va entrer chez non, vous. Non, c'est là. Ça. C'est vraiment fait pour être dans une pièce comme une pièce de cinéma maison ou peu importe, ouais. où t'aurais jamais de lumière. Donc, t'as la ville, par exemple, de New York ou peu importe, le Londres, fait en petits picots qui font juste rentrer un petit peu la lumière. Je pense que ça m'énerverait au point où que t'as jamais de lumière. Tu sais, juste ma chambre, là, je me suis acheté les fameux rideaux qui sont extrêmement opaques. Ouais. Puis je rentre dans ma chambre, même s'il y a du soleil, puis il n'y en a pas. Puis ouais. des fois, ça m'agresse. Ben, tu vois, c'est drôle. J'avais vu juste la première photo. Si tu descends un petit peu, il y a une autre photo où ça montre que tu peux l'avoir en star. Donc, okay. en star avec une. Pas fou. OK, j'aime ça. Qui vont rouler vers le haut, là. Donc, quand même, je pense que ça vient d'ajouter un petit facteur qu'on pourrait aimer, c'est que tu peux avoir la ville quand tu veux et ne pas avoir la ville quand tu ne veux pas. Ça m'apprendra à aller voir la deuxième photo. Ensuite, on a un lycéen qui met au point un soutien-gorge capable de détecter le cancer du sein. Ah, d'accord. Inspiré par la lutte de sa mère contre le cancer du sein, Julian Rios Cantu, un étudiant mexicain de 18 ans, a mis au point un soutien-gorge capable de détecter la maladie dans les premiers stades de son développement. Ça s'appelle EVA. Ça utilise environ 200 biocapteurs pour cartographier la surface de la poitrine et suivre les moindres changements. Donc, la détection est la clé, évidemment, pour détecter un cancer du sein. Il faut se tapoter, il faut se renseigner sur les bosses. Ouais, il faut que tu tapotes toi-même ou tu demandes à quelqu'un. C'est ça. Du FBI, le Female Breast Investigator. Donc, EVA embarque environ 200 biocapteurs qui ont pour but d'établir une cartographie précise de la surface de la poitrine. Donc, on peut détecter les moindres changements de taille, de poids. Et c'est là que le soutien-gorge va encore plus loin. De la température aussi. Oh, OK. L'appareil analyse les ondes de grosse vascularisation à la recherche des signes d'augmentation du flux sanguin, ce qui pourrait être l'indication d'une tumeur. L'invention a été grandement applaudie au Global Student Entrepreneur Awards. Et le jeune homme a remporté 20 000 $ US pour sa création. Ça a du potentiel. C'est sûr qu'il est pas tout seul derrière cette idée-là. Là. Non, je peux non, pas non. croire. Et je sais pas si il va prendre les affaires, les facteurs de température, de grosseur, puis ça va tout lui envoyer ça dans une base de données qui va refaire en 3D chacune des poitrines pour voir. Ça me surprendrait. Non. Non. Tu vois que même sur la photo, il y a comme la main dans les airs. Mais tu sais, le gars, il a 18 ans, puis clairement, il a l'air vraiment intelligent, même dans la vidéo de présentation. Ça veut pas dire qu'il aime pas les seins. Mais non, c'est sûr. Au contraire, si tu fais un... Est-ce que tu tiens gorge pour analyser le cancer ouais. du sein, c'est que clairement, t'aimes les poitrines, donc, tu veux les conserver. Tu penses que ton gynécologue tripe ses vagins? C'est pour ça qu'il est devenu gynécologue, c'est ça? Non, c'est pas ça que je pense. Au contraire, il veut la protection des vagins. Il veut sauver les vagins de tout le monde entier. Il veut qu'ils se tiennent bien. Oui. OK. Ensuite... Je peux pas croire. On vient de dire ça. Après vraiment. Les seins et les vagins, on va parler aux fesses. Faudrait demander à certains gynécologues. Oui. Est-ce qu'on a au téléphone? Je sais pas. On confirme que non, monsieur? On n'a pas au téléphone. Non? OK. On parle d'une selle de vélo qui fait aussi office d'antivol. Hein? Une selle de vélo? Oui. Qui fait aussi office d'antivol. C'est-à-dire un cadenas? Ben, tu vas voir, c'est un accessoire qui s'appelle le City Lock. On peut notamment l'acheter sur Amazon pour environ 100 €. Le City Lock est compatible avec n'importe quel vélo. Il faut que 30 petites secondes pour passer du mode selle à antivol. Donc, on empêche que votre vélo disparaisse avec une selle qui est un système d'alarme. OK. L'antivol en lui-même est apparemment extrêmement résistant, suffisant pour résister à une attaque aux coupes boulons ou même à la meuleuse d'angle. Apparemment, donc c'est ça, c'est un cadenas sur un siège de vélo. Dans le fond, c'est que vous enlevez le siège de vélo de votre vélo et ça, en dessous, il y a comme des pentures et tu attaches ton siège à ta roue et au rack à vélo. Et dans le fond, le c'est un peu difficile à décrire visuellement, là, mais le siège à vélo fait partie d'un cadenas, dans le fond. Mais c'est très bien. C'est une très bonne idée. Ensuite, l'objet connecté pour contrôler vos rêves. Je t'ai déjà dit que je ne me rappelais pas souvent de mes rêves. Non, c'est vrai. Mais étant donné que j'ai dit ça, je me suis rappelé d'un rêve récemment et ça faisait vraiment longtemps. J'étais content, tu sais. J'étais content. Peut-être que tu t'en souviens pas parce qu'ils sont pas importants. Peut-être. Ah, c'est ça avait rapport avec mes finances. Tu vois, tu t'en es rappelé. En plus, c'était une mauvaise nouvelle par rapport à mes finances. Puis là, je me suis mis à réfléchir. Attends un peu, j'ai pas parlé à mon boss de ça pantoute jusqu'à maintenant. Fait que ça se peut pas que ce soit ça, la réalité. Et finalement, c'était pas ça la réalité, c'est dans mon rêve. Mais t'avais peur que ce soit ça la réalité. J'avais peur d'avoir moins d'argent que prévu. Exactement, tu vois, c'est ça. Ben, c'est ça l'affaire. On dit qu'il existerait plusieurs techniques un peu incertaines pour s'habituer aux rêves lucides. Et aujourd'hui, grâce aux objets connectés, il y aurait une nouvelle façon, c'est le iBand Plus, un bandeau à disposer sur son crâne qui propose de gérer votre sommeil. Grâce à des stimuli auditifs et lumineux, le dispositif pourrait influencer votre cerveau pour optimiser votre sommeil, améliorer vos rêves et augmenter vos chances d'expérimenter des rêves lucides. En ce sens, ce n'est pas sans rappeler, entre autres, le Lucid Dreamer qui propose le même genre de fonctionnalité. Le iBand Plus permet également de suivre et d'analyser la qualité de votre sommeil. Une application dédiée qui vous transmet les résultats et la durée des différentes phases de votre sommeil. Impossible de tester le iBand Plus pour l'instant. Ils ont réussi par contre leur campagne sur Kickstarter. Plus de 600 000 euros sur 50 000 qui ont été demandés. Les premiers exemplaires devraient arriver en juillet cette année. Reste toutefois possible de les précommander à contribution de 149 €. J'imagine qu'il y a un équivalent de dollar canadien si vous allez sur le site. Donc ça s'appelle le iBand Plus, ibandplus.com. Ensuite, on a parlé tantôt de peinture qui rendait un spray tactile. On a maintenant un papier peint qui conduit l'électricité. Ça s'appelle Conduct. D'accord. Flavor Paper et UM Project ont imaginé un papier peint qui fait office de système électrique qui s'appelle Conduct. La galerie photo ne veut pas se charger sur mon ordinateur en ce moment. J'imagine que c'est parce que Flash est décédé. Ça veut pas. Mais bref, allez voir moi, les photos. Moi, je l'ai par contre. Mais ça, c'est bon? C'est ça. C'est pas ce qu'il y a de plus beau. Hein? C'est ça. Ensuite, on parle de température de votre robinet pour savoir si votre eau est chaude ou froide. Tu sais, quand t'arrives l'hiver, mettons, et que l'eau est super glaciale dans tes conduits, dans tes tuyaux, que t'arrives pour te laver les mains, tu fais comme... Ugh! Ah oui, non, je sais, c'est tellement déplaisant. On n'aime pas ça. Donc, ici, c'est un système avec lumière LED qui va vous dire si l'eau est froide ou chaude. Ah! Ça s'appelle Light in the Box Temperature Sensitive Single Handle Center Set LED Lavatory Faucet, évidemment. Vous n'aurez pas besoin de passer votre main en dessus de l'eau et risquer de vous brûler ou de vous geler bien raide. Donc, vous allez regarder la lumière LED qui va vous dire si la température est froide, donc en dessous de 25 degrés Celsius. Ça va être une lumière verte. Tiède, ça c'est entre 26 et 35 degrés Celsius, une lumière bleue. Ou encore très chaude, entre 36 et 45 degrés, ça c'est une lumière rouge. Et encore, c'est plus loin que ça, si la lumière rouge commence à clignoter, si tu vas être en haut de 45 degrés Celsius, c'est que là, tu vas te brûler la main. Oh, OK. Pas pire, hein? C'est selon, Faut pas niaiser avec ça. Donc, c'est ça. C'est une mesure de sécurité pour votre salle de bain. C'est fait de... Je sais même pas comment traduire ça. Du brass. Je sais pas. C'est pas du cuivre. Il y a un mot pour ça. Brass, en tout cas. Et de la vitre. Tempered glass pour l'embout du robinet. Ça fonctionne avec 4 piles 2A. Ça mesure 6 par 4 par 2 pouces. Ça s'installe dans un trou. Et c'est bien avec 2 tuyaux. Et puis c'est disponible sur Walmart, le site de Walmart, pour 55 $ américains. Donc ça s'appelle, encore une fois, le Light in the Box. Ensuite, un livre d'origami pornographique et érotique. Génial, devenez maître de l'art de transformer du papier en forme risquée et peut-être gênante avec pornogamie. Livre d'origami érotique, étape par étape pour créer votre propre chef-d'œuvre, par exemple un VJJ. VJJ avec un billet de d'argent. Tu préfères un VJJ avec un billet d'argent? Mais à quoi ça te sert? Rien, là, ça te sert à diversifier, divertir la galerie, hein? Ouais, mais tu sais. 22$. Non. Non? Canadien. Non. Okay. Ensuite. Tiens, votre chien, c'est un chien. Ben oui, on salue chaque fois qu'on a parlé de chien. Exactement. T'auras pas besoin de chien garde, par contre, avec le Guard Peanut. OK. Le Guard Peanut, c'est un petit appareil anti-vol qui va vous alerter lorsqu'il est bougé, lorsqu'on bouge l'appareil, via une connexion Bluetooth à votre téléphone cellulaire ou votre tablette. Vous pouvez le connecter à une porte, à un bagage, à une sacoche, à un vélo, un sac à dos, peu importe. On va le cacher. Et quand quelqu'un va bouger ça, ça va faire aller une alarme et ça va t'envoyer une notification. Ouh! Hein? Ça vous permet de voir donc une ligne temporelle du mouvement de l'objet. Même si tu n'as pas de connexion Bluetooth constante, ça peut savoir où la chose est située. Tu peux commander le Guard Peanut sur Amazon pour 30$ pour être un petit peu plus en paix mentalement, savoir que tes objets sont en sécurité. Donc ça s'appelle le Guard Peanut. Ensuite, tiens, ton animal de compagnie, on reste dans le même domaine. Oui. T'aimerais pouvoir le transporter avec toi partout, ton petit Bowie? Ben oui, clairement. Bowie. Alors, tu pourrais avoir une montre fabriquée à partir des poils de ton animal de compagnie. Ça s'appelle Analog Watch Company, qui amène Companion Collection, pour seulement 200$ américains. Tu envoies entre 2 et 4 onces de fourrure de ton animal de compagnie, et en 2 à 4 semaines, tu vas recevoir une montre fabriquée avec un bracelet de poils de ton animal. OK. C'est tout ce qu'il y a à dire. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est vraiment n'importe quoi. Mais allez. T'imagines si t'as chaud? J'avoue! Hey, c'est vrai. Tu te mets à sentir le... Tu sais, ton animal... Le chien mouillé, genre. Ton animal, il a tout le temps chaud, mais tu sais, son système est fait, j'imagine, pour être capable de gérer ça. Toi, je suis pas sûre que ta peau va bien réagir au fait que... Pas convaincu de ça. Je trouve pas ça cute non plus. Non, effectivement, tout le monde va dire, c'est quoi ça? Puis tu vas dire, c'est un montre. Tu sais, genre, t'as du poil de poignet dans ta montre. Tu sais? Non. Tu vas te faire juger vraiment beaucoup. Ouais, c'est... Non. Je suis la première. Non, c'est vrai. Ouais, exactement. On n'aime pas ça. Ensuite, est-ce qu'on va faire un dernier, tiens, pourquoi pas, pour faire cuire tes repas à la perfection en les mettant à l'intérieur d'un four intelligent. C'est équipé d'un petit écran tactile, de caméra HD et de 50 programmes de cuisson. Pas des programmes comme genre tu peux regarder en mode salvaille dessus, c'est des programmes c'est comme ça. Exactement. Hein? 50 programmes de cuisson, par exemple, je sais pas, des côtelettes de porc ou peu importe, et des sensors spéciaux qui vont surveiller la température et vont cuire la nourriture exactement au bon degré et pendant la bonne durée pour que votre viande soit cuite et qu'il n'y ait pas de problème de salmonelle ou peu importe. C'est vraiment cool, hein? Vraiment intelligent. Donc, le Intelligent Oven pour seulement la légère somme de... Il va falloir que vous vendiez tous vos animaux de compagnie et toutes vos montres pour 2187$ canadiens. 2200$ canadiens pour un petit four. Et là, c'est un petit four de comptoir. Ouais, c'est pas un gigafour, là. Non. Voilà. C'est tout pour cette chronique de 5 Suisses, ça ne devrait pas là. On a aimé ça, une petite demi-heure de gadget. Allez voir les notes de l'émission numéro 1104 sur assemblagerequis.com si vous voulez retrouver les liens. En début d'émission, tantôt, on avait entendu la seule et unique nouvelle entrée francophone. Oui. On a aussi une en anglophone, Tania. OK, oui, c'est High Ticket Attraction de The New Pornographer. Pornographers, c'est vraiment Pornographers. Ah ouais, OK, parce qu'ils ont mis le R avant sur la feuille. Ouais, deux nouvelles entrées puis on a fait une faute. Oui, c'est ça. The New Pornographers, tout de suite. Et j'adore ce groupe-là, un de mes préférés à vie. Donc écoutez cette pièce-là puis savourez-la pendant que je joue. Oui, pendant que le soleil se monte le bout du nez. Les New Pornographers, ça semble être requis pour encore 2 heures. Wheels were turning, you know the song. Nothing could go to waste. The New Pornographers. High Ticket Attraction. Voilà. Ah, les pièces qui ont 20 secondes de lousse à la fin, tu sais. On aime ça. Ça nous fait des petites surprises, on aime ça. Ben oui, comme ça, là, bing bang. Ça nous tient éveillés. Tout à fait. Au retour de la pause, Xavier McLeish va être avec nous. Ouh là là. Pour sa conique, quoi ne pas dire, quoi ne pas faire. J'ai hâte de savoir de quoi on parle. Oh oui, au retour. Un sondage de qui? Toi aujourd'hui. Un sondage de qui? Toujours à Assemblage Requis pour la semaine du 8 mai 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, dans quelques minutes, Xavier McLeish va nous faire sa collègue qu'on n'a pas dire, qu'on n'a pas faire. Mais on a le temps avant ça pour une petite chanson. Et je pense que, je sais pas, je sais que Xavier est en vacances parce oui. qu'on l'a au téléphone tout le temps. Peut-être est-il parti voir les baleines. Peut-être. Peut-être. Et pour lui rendre hommage avec ses baleines. Oui. Voici Set the Whale. Oh mon Dieu. Oui, avec Step okay. into Darkness. Oui. C'est une baleine. Oui, je vois Step into the Darkness. Hi, ça, il fallait que tu y penses un peu. Hi. Ouais, ouais, ouais. Je t'en sens la joie qui. 89 FM. My sweet light, sweet love of mine. Might never again feel like it's the right time. If it's the end, well, let's cross that line. Let us step into the darkness. Let's step into the darkness. I was a ghost. You were the fear of God. All of my shrines, all broken hearts and wind chimes. I was alive, just waiting for the hand of time. All of my ghosts went up in the smoke and through the window. I started singing, but the words felt so wrong. darkness. Let's step into the darkness. Step into the darkness, said the well. Une pièce qu'on adore. Ah! Oh, j'aime ça. C'est bon, c'est bon. Ça met de bonne humeur cet oui, été, on aime tout à ça. Fait. On dit été, mais c'est printemps maintenant. Ouais, c'est le printemps, c'est... mais t'sais, ça a l'air d'un hiver. Eh que... hey, ouais, c'est ça. Fait qu'on est un petit peu mêlés, c'est pas ça. Grave. Et maintenant, on a dit tantôt que Xavier McLeish allait être avec nous. Le voici avec la chronique de Xavier. Un, deux, trois, quatre. Feu de fa-fa. Feu de fa-fa. Où est la piscine? Splish-bloche. Je ne comprends pas. Parlez-vous le français? Parlez-vous le français? Non. Salut Xavier McLeish. Salut, ça vient de pas le rire. C'est aucun rapport. J'ai entendu dans l'intro, il dit alfalfa à un moment donné. Ah, ben ça doit être pour ça que j'ai choisi ça d'abord. Ah, ça se peut. Ouais. Parlez pas d'alfalfa. Avant de commencer ma chronique, j'ai une question pour toi, Tania. Et pour moi, oui, bonjour. Ça va bien? Je peux m'en aller si vous voulez. Oui, ça va bien. Et non, mais ça veut tu peux répondre, Mathieu aussi, mais c'est une question plus pour les filles. Tu veux, mettons que tu reçois un cadeau, là. Ouais. T'as-tu un cadeau qui est hyper personnalisé, genre, il y a ton nom dedans, ou juste. Personnalisé, genre quelque chose, ça te concerne, c'était fait pour toi, mais pas, genre, tu peux le mettre hors contexte de toi. C'est-tu la c'est pas une carte cadeau, mettons. Hey. Mettons, veux-tu une fille, mettons, que je te donne un cadre, c'est écrit Tania, merci pour ta générosité, ou juste merci pour ta générosité, ça ferait. Mon Dieu, je pense que ça dépend de la personne de qui je vais le recevoir. Si c'est marqué Tania, ouais, premièrement, t'aimes ouais, pas ça. Si c'est marqué Tania, déjà en partant, c'est non. Je pense que je vais y aller pas trop personnalisé. Ah. OK. Fait, mettons, ton Traction Aid, il t'offre un cadeau, il faudrait pas qu'il y ait, mettons, ton nom écrit dessus. Traction Aid est dans le gars, le gars, oui, bien. Bon, c'est parce que je pense que ça m'importe peu. Oui, hein? OK. Ça m'importe peu? Peu. Ouais. Moi aussi, je réponds à la même chose. C'est l'intention qui compte. Ouais. C'est ça, exactement, qui compte. Tu sais, que tu mettes mon nom ou non à la fin, ça me dérange pas. Même pas de cadeau, ça me dérange pas. Oui, c'est ça. Ouais. OK, non, parce que je me posais des questions parce que j'ai entendu des choses cette semaine, puis là, ça m'a fait rire, puis j'ai pensé à vous poser la question parce que ma chronique, c'est quand on est sous, on dit pas toujours les mêmes choses. Hein? Hey, ça c'est vrai. On peut s'en parler longtemps. Oh. Ouais. Et je vais faire des choses à ne pas faire ou à ne pas dire quand tu as pris un verre d'alcool. Un verre, juste un. Mais un verre d'alcool fort? Non, mais genre un verre d'alcool de trop. OK. Non, un verre d'alcool, mais j'ai pas dit la grosseur de ce verre. OK, c'est ça. Ça peut être un 11,3 litres pour certaines personnes. OK. Un 11,3 litres d'alcool. Donc, moi, j'ai quelque chose à dire à partage. Cette semaine, je suis allé dans un restaurant à Québec plutôt, j'allais dire, chic, mais qui vire un peu nightclub le soir, mais pas tant. OK. OK. J'ai vu un gars se dézipper la braquette 8 pieds avant d'arriver à la rue Noire. Dézipper la braquette 8 pieds? Mais il avait vraiment envie de pipi, Xavier. Moi, je veux pas la voir. Je veux pas la voir. Ouais. Tu veux le savoir, tu veux pas le voir. Si je sais que t'as des hamburgers, c'est tes bobettes, c'est pas mon signe. Ah! Ouh! Mais qui a des bobettes? T'as vu ses bobettes? J'ai vu tout, là. J'ai tout vu. Tant qu'à avoir des bobettes de fast-food, mets des hot dogs à la place des hamburgers. Oui. Non, mais tu sais ce qu'on voit. Donc, si vous êtes sous, rendez-vous à la rue Noire avant de vous la dézipper. Okay. Oui, c'est vrai. Mais les filles, des fois, ils vont lever leur jupe avant d'arriver dans leur cabine. C'est pas mieux. Hein. C'est là que je m'en allais. Voilà, tu lèves pas ta jupe avant d'arriver dans la cabine. C'est lève-la ça. Puis même si l'urinoir, là, c'est un petit peu dégueulasse et mal propre, là, tu vas pas te mettre à 2 mètres pour viser. Là. Non, parce que tu veux pas ça. Toucher. Exactement. Comme dit une humoriste populaire, tu peux te gratter le pénis sur le reste du savon que dans le fond. Mais... frotte pas sur le bord. Ben c'est non, ça. Le savon. Exactement. Donc, c'est ça. Et ça en vrai que quand on est sous ce sentiment-là, t'as envie de pisser, c'est votre fière. Ouais. C'est là, tu te dis, puis tu y vas. Mais je me demande jusqu'à où ça peut aller, là, tu sais. Mais je me pose la question quand t'as pris un verre de trop, ça peut être bizarre. Oui, c'est vrai. Ah, moi, cette soirée-là, j'étais à jeun. Et j'ai resté bête. C'est Hamburger, là. C'est bonjour, Monsieur Hamburger. Oui. Bonjour, Monsieur Hamburger. Ça allait bien. C'est ça qui se reconnaît. Tu l'appelles Boulette, à ça. C'est Boulette. Quand on est sous aussi, des fois, on dit des choses sous. Hein, que le monde pense tout bas. Il y en a qui, tu sais, ça dépend, il y a plusieurs personnalités de Soulon, là, mais... Oui. Tu sais? Ouais. Il y en a qui se calment, il y en a qui viennent comme zen, là. Super friendly. C'est vrai, ouais. Tu sais, ils vont dormir dans le coin, là. Ouais. Oh mon Dieu, oui, ça, il y en a. C'est moi, ça, je pense. Tu sais, comme... C'est... Mais ce gars-là, il est comme une bonne heure, il dort, ça, dans le coin, mais... Il a un goût, la musique est forte, puis là, il tilte. Oui. Ouais. Ce gars-là, c'est pas super. Toi, si t'es ce genre de gars-là, c'est pas grave. Tu peux y aller au bar, t'as le doigt. C'est correct, ça, ouais. T'as le mais doigt. Le gars qui devient sexuellement. Ouais. Je veux dire explicite. Ouais. Celui qui veut s'empoigner une avant 3 heures. Ouais, là. Il est inapproprié, tu sais, il y a du contact physique. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais t'as le doigt, si t'es ton chum de gars, de le ramener. OK. C'est la responsabilité, hein? de ses amis de le ramener? Non, mais t'as le doigt de citer son ami, soit de le laisser aller puis de dire que puis de rire de lui, faire des vidéos pour lui montrer qu'il va être correct le lendemain matin. Mais il va leur faire pareil, ça aidera pas sa cause. Non, ou tu sais, ou de dire, hey, je pense que t'as pensé bon, t'as le doigt de l'aider. Ouais. De dire. Hein? Oui. Si tu te rends compte que t'es ce genre de personne-là, t'as le droit aussi de diminuer ta consommation. Aussi, parce que c'est ça, faut quand même responsabiliser un petit peu la personne qui commet l'acte. Tout à fait, là, ouais. Hein? C'est ça, exactement. On s'entend? Parce que c'est. Il y en a qui disent que c'est des filles qui se rendent belles pour ça. Puis il y en a qui disent que ça, on devrait éduquer les jeunes filles à ne pas se faire violer. On aurait peut-être éduquer les gars à ne pas violer les filles. On peut-tu éduquer les deux au pire, ouais, c'est ça. Il n'y a jamais personne qui pense à éduquer les gars à ne pas violer les filles. Ça, c'est mon opinion personnelle. Maintenant qu'on a dit des choses sérieuses, on va aller dans les conneries. Ouais. OK. Ça s'appelle quand même la conique. La conique. Alors, moi, mon préféré au bar, c'est le gars qui a oublié d'enlever ses lunettes fumées. OK. Mais il n'avait pas enlevé. Tu sais, c'est parce que tu sais ce qu'il y a en dessous de ses lunettes, c'est qu'il a l'air scrap. Oui, clairement. J'ai déjà fait ça, par exemple. Je dois avouer. J'ai déjà mis des lunettes fumées dans un endroit. Parce que t'étais scrap. Parce que j'étais scrap. Et là, on vous juge pas si vous avez un petit chien à côté de vous, là, Mira, là, c'est correct. C'est ça. Non, c'est ça. Si t'as une canne blanche et un chien qui jappe parce que quelqu'un vient de te piler sa patte, c'est correct. Mais si t'as des lunettes fumées dans le Dagobert, tu sais, je veux dire le classique québécois que tout le monde connaît, le Dagobert. Ou le Temple de la Trois-Rivières. Ouais. Ouais, parce que le Dagobert, moi, j'ai jamais mis les pieds là. Ah, oh, c'est une bonne affaire. Oui, c'est ça. Ça a l'air que... rendu trop vieille pour y aller. Oh, ouais. Moi, c'est juste que le monde que je connais là, qui sont pas habitués d'y aller ou qui ont été plus souvent, ils sont sortis plus vite qu'ils sont rentrés. C'est ça. Pour plusieurs raisons. La bataille, l'alcool, ils ont pas aimé ça. Donc, non, mais c'est ça. Donc, si t'as des lunettes fumées au Dagobert, ça peut que tu manques de jugement, parce que t'as des lunettes fumées en dedans. Puis souvent, jugement envers la personne avec qui t'es en train de. C'est parce que t'en vois pas bien, hein, parce que t'as des lunettes fumées. Hein? Donc, ça, pour moi, c'est non. OK. Si t'as plus de bière sur ton chandail que dans ton verre... Ah, mon Dieu, hein? Ça, c'est non. C'est écoute, mon génie, là. Si t'es versé plus de bière sur toi, c'est parce qu'il faut que t'arrêtes de la prendre. C'est vrai. Ouais. Donne-la à ton chum de gars. Écoute, j'ai vu une fille, pour vrai, je pense que... Si elle avait une robe blanche, elle serait rose. Ah, OK. Mm. Selon les drinks. Une petite peinture. Ouais. Ben, écoute, elle avait une... Oui, c'est ça. Elle avait une teinture capillaire. OK. Une teinture capillaire de vodka Canberge. Hum, mmh. Savoureux. Écoute, elle, mais quand elle se lève le lendemain matin, elle va sentir l'alcool, mais pas de sa bouche. Mmh. Oh, mon Dieu. Sans la robine, c'est des cheveux qui respirent. Non, mais, OK, quand t'es au bar, puis que t'as tes bottes de mécanicien... Ouais, ça arrive ça. Le gars il sort puis genre il y a pas de souliers à se mettre, comme il est en botte à cap puis il danse. Ouais. Ça se fait que la fille à bichou elle te trouve moins drôle. C'est ça. Ouais, puis, clairement. Puis quand t'es sous, clairement ton pas est pas rythmé, hein. On le sait là, tu t'en seras pas une salsa là. Non. Non, c'est vrai. Il cherche du matériel pour son remblai, je pense. Ouais, en effet. Je pense que pour vrai, il est parti avec 5 orteils, le gars. Ça, puis des souliers à crampons. Tu sais, les bottes à crampons pour glisser sa glace, ouais. Là. T'as le doigt de les enlever avant de rentrer au bar. Ça fait squick-squick, sinon, pas mal, là. Oui. Ah là, mais écoute, ça fait clock-out, clock-out. C'est plus là, tu croches, là. Hein, mais je peux pas croire qu'il y a vraiment des gens qui font ça. Écoute, moi, j'en ai vu des bottes à cap, là. Ben, voyons donc. Mais dans une soirée là, festive, là, le gars, il débatte à cap. Hey, peux-tu dire que quand tu reçois ça tes orteils, là, tu restes bête, là? C'est vrai? Parce que lui, il sait plus, là, il est inhibé, là. Mais une fille pourrait. Là. Une fille pourrait y danser ses pieds, par contre. Tu sais, comme hey, écoute, c'est cute, ça. Pourrait, s'il manque deux pouces pour l'embrasser, elle monte ses bottes, c'est correct, là. Ouais. C'est mais cool. Il, le gars, il sautait avec ses bottes à cap dans le bar, tu sais. Il sautait. Je pense qu'il y a trois filles qui pleuraient à côté. Ish. Yeah, boy. Mais il était, le gars, il était pas là, là. Il était pas, tu sais, écoute, mon petit, c'était pas un génie, là. Pas le crayon du lycée de la boîte. Pas un génie, là. C'était un show d'Éric Masson, ça. Non, non, je dis, c'était pas le crayon le plus aiguisé de la boîte. Il y en a beaucoup comme ça. Ah ouais, écoute. Après ça, t'as le gars qui finit en chef. Mm-hmm. OK. C'est un gars qui est toujours trop chaud. Oui. Mais c'est parce qu'il faut qu'ils reviennent chez eux. Au Québec, on a une saison qui s'appelle l'hiver. Oui, en effet. Puis là, en ce moment, on a une deuxième hiver qui s'appelle le printemps en ce moment. Oui, c'est ça. On a aussi l'été indien qui est l'inverse, là, lui. Mais écoute, si tu reviens, t'es tellement mouillé que t'enlèves ton gendarme parce que t'as eu chaud, tu t'es versé une bière dessus, tu as dépassé ta limite. Hein? Ouais. Oui. Oui. Écoute, ton cap salarial d'alcool est atteint. Écoute, je ne veux pas y penser. Après nous, dans les bars, il y a cette personne que la barman connaît. Hein, on a parlé de ça l'autre fois. La quoi? Le barman connaît. Tu sais, quand tu arrives. Oui. Hey! Oui, ben oui, ben oui. Non, comment tu vas? Ça, pour toutes les filles qui peuvent être un peu saoules, même si le barman connaît, c'est que c'est pas un bon gars. Ben, c'est pas un bon gars. Attends, j'aimerais avoir quelques explications. Plus de détails. Non, mais pour que le barman le connaisse, ça, c'est son chum. Ça, c'est correct. Ouais. Mais s'il connaît tous les barman, c'est qu'il passe sa semaine au bar. Tu comprends? Ouais. Mmh. Il est tout le temps, là. Ouais. Fait que même si tu es un peu saoul, là, pis tu vois le gars que tout le monde connaît au bar, là, mais c'est lui qui est le plus à l'aise, parce qu'il est tout le temps rendu là. Veux-tu être associé à ça? C'est vrai. Ouais. Mais les filles font pas attention à ça. Ils se pognent. Ils disent, mais il est beau. C'est là, ouais, hein? Il s'est fait pogner pas mal plus souvent, tu penses, c'est ça? C'est ça. Ah non, c'est ça. Ouais. C'est lui. Il a de l'expérience. Ils l'ont sorti lui, une coupe de fois. Il ne commande pas sans champignon. C'est ça. Il a sorti son pipi à 8 pieds de l'urinoir pas mal plus qu'une fois. Ah oui, écoute, il l'a sorti dans l'urinoir. Dans l'urinoir. Dans le toilette des femmes, dans le char, dans le taxi, dans l'Uber, dans l'autobus. Il a tout pris les moyens de transport pour venir. Mm-hmm. Son aftershave, c'est la petite puck dans la toilette, comme tu disais. Tu sais, il y a aussi le gars chaud qui veut toujours se battre. Ouais, ben oui, ça, on en connaît. On le connaît tous, ce gars-là. Hey. Il veut se battre, et sinon, ils veulent toujours se battre avec un gars moins chaud que lui. Mm-hmm. C'est vrai, ça. Tu sais, il y a toujours le gars qui veut se battre, c'est le gars qui veut se battre avec le gars moins chaud que lui. Ça fait un beau show, par contre. Non, c'est tout le temps le fun à regarder. Ben oui. Moi, j'ai toujours dit à mes amis de gars, tu sais que dans une bataille, l'important, c'est pas de savoir frapper, c'est de savoir éviter. Oui. C'est vrai. Puis, il n'y a pas de gagnant là-dedans. Il y a rarement de gagnant. Il y a rarement des gagnants. En fait, il y a toujours un gagnant. C'est le gars à jeun qui est sépare. Oui, c'est ça. Lui, c'est lui, il mange les deux coups de poing. Il mange les deux punches. Puis, il sépare ses chums de gars. Puis, ils font sortir les deux du bord, mais pas lui qui est en sang. C'est ça. Parce que lui, il est à jeun, tu sais. C'est le portier qui gagne. Oui, c'est ça. Bien souvent, c'est ça qui va arriver. Voler dans les bars, hein? On a des... Voler? Le monde qui... Oui, moi, ça m'est déjà arrivé. Là. Comment tu fais ça? T'es tellement saoul, puis à un moment donné, t'as peint tes vides, tu fais comment? Je mets où? T'amènes à ta poche. Mm. Ton verre, là. Ah oui. Là, d'un coup, tu continues ta soirée, puis là, oh, là, t'arrives chez vous, t'as un verre dans tes poches. Tu fais ça, toi? Wow. T'as déjà fait ça? T'es déjà parti avec un verre? J'ai déjà vu un gars le faire, mais moi, le faire, je l'ai jamais fait. Il me semble que c'est gros, ça paraît. Les filles, là. Voler le numéro de téléphone de quelqu'un, ça, oui, mais. Non, voler son cœur. Non, mais les filles, elles n'avaient pas de poche. C'est plus ouais, c'est, gars, c'est pas mal plus pour ça, je pense. Ça me donnerait qu'une fille s'abatte à le verre de daiquiri entre les deux boules. Puis ça pourrait être pratique. OK. Mais, écoute, il y a bien des choses qui rentrent. Là, moi, je suis toujours rêvé de voir une fille sortir une pioche ou une fourche de là. Comme juste, ah ouais, j'ai une, ça comme ça sort de là. Ça serait pas fou. Ça serait pas fou. Mais donc, c'est ça. Moi, je partais avec des verres. Je partais avec. Tu sais, le genre d'affaire qui a l'air de. De tapis de bain, là, c'est le bord du bord, là. Ouais. Dans lequel il est du bord pour que ça glisse. Mm-hmm. Ben, j'ai vu des gars partir avec ça comme si c'était des ceintures de lutte. T'es rendu trop saoul, tu sais. T'es clairement trop saoul. T'as plus de jugement, en disant. Quand que ton jugement manque, tu sais, t'es trop saoul. Ça, on va se le dire. Mais il y a des. Là, c'est quand tu voles des choses au bord, quand que t'oublies de donner du tip à la serveuse, ou que tu sais, si tu tires 5 piastres, ton verre te coûte une piastre, puis tu dis, garde le round! Ah, ou par erreur, tu donnes un billet de 20 comme type. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Quand que tu pars ta soirée avec 80$, puis que tu regardes le bordel, puis il te reste 2 piastres, tu te demandes si tu peux retirer. Là, tu sais, Ça, ça dépend dans quel mouvement de ta vie t'es rendu. Ouais. Là. À 18 ans, c'est correct. Mais non, mais à 18 ans, t'as 80$ de retirer en alcool. Mettons que la bière est à 5$. Mettons que t'es à la chasse-galerie, t'as 80$ de retirer en alcool. Ouais. Je te souhaite de retourner chez vous. C'est ça. Ouais, ouais, ouais, clairement. Puis c'est pas toi qui conduis. Hein. Garde pas de protection. Si tu conduis, bonne chance aux enfers. Non, mais écoute, il peut pas se rendre chez eux, là. Non. Pose-toi même pas la question si tu vas retirer. C'est vrai? Moi, je vais donner un conseil à tous les petits jeunots, là, les petits. Comme ça qu'ils m'appelaient à la limite le jeunot. Maintenant, c'est moi qui donne des conseils aux jeunots qui sont plus jeunes que moi. Sortis-toi un montant, que tu te dis ça, là, c'est ma limite. C'est tout. C'est vrai. Amène pas ta carte. Ils apprennent pas la carte d'un bar à cette heure-là. De toute façon, c'est trop. Oui, maintenant, ben oui. Ben là, ça ralentit le service. Non, ça ralentit pas le service. Ça accumule tes nombres de drinks. Oh! Ah. Ouais. D'accord. Ouais, mais c'est aussi. C'est aussi que la barman a fait PayPal. Oui. Puis là, elle accroche un 2 avant de donner. Ben, ouais, c'est ça. Elle accroche le 2. Pourcentage de type 100%. Ouais. C'est ça. Hey, j'ai déjà parlé que j'étais livreur. Oui. Et le gars, il a payé sur argent, il avait payé sur pourcentage. Ouais. Il voulait me mettre 2,20$, il m'a mis 220% de son boire. Oh boy! Oh. Fait que sur une pizza de 22$, il m'avait donné 40$, genre de ça type. Ça n'a pas de sens. Mais chanceux pour toi, hein, mais... Non, mais tu me rappelles, là. Okay. Si tu fais ça au bar, ouais. Sur un drink à 1$, c'est pas si pire. Mm-hmm. Mais si tu viens de payer la bouteille de vodka dans la chaudière avec le Jack Daniel pis les petits verres, là, à genre 50$, pis tu y mets à 220%, là, c'est 150$ qu'une personne dans tes poches. Ça, c'est 200$. Okay. C'est quand t'es trop sous pour puncher ta machine, pis c'est quoi ton nip, là, pis tu t'as refusé. Ah, t'es trop sous. Hein, des erreurs de jugement. C'est ça. C'est plate pour la personne, mais en même temps, je suis pas sûr que je plains tant que ça, non. Je pense que je le juge plus que l'autre chose. Mais tu sais, il y en a plein, là. Moi, je peux faire d'autres situations connes, comme ça, de personnes qui ont mal punché. Je suis allé à Montréal, de nuit. J'ai aucune pitié. Tu payes avant? Ouais. Ouais. C'est que je jase avec mon chum, genre, j'avais 20$ d'essence, ça me met 20$, ma cote, tu rentres d'acquis, mais c'est prépayé. C'est que je jase, c'est que ça s'est arrêté tout seul, tu comprends? Mm-hmm. J'ai taqué mon char au complet, la fille avait mis 200$ sur le 20$ sa main. Ouh! Ouch! Ça rentre plus à maintenant? Non, hein, c'est ça. Non, mais c'est parce que c'est pas moi, j'ai payé 20. Oui. Mais ouais, cool, quand mon 60 était rempli dans mon char, ben, je suis parti, là. J'ai pas réalisé que. Mais tu sais. Quand j'ai regardé que mon char, tu sais, j'ai avec mon ami, ça va être clock. Ah, ok, c'est au bout, j'ai remis l'enfant dans la machine, j'ai embarqué dans mon char, je suis parti. Ouais. Quand j'ai regardé que mon char qui était plein, je n'ai déjà 20$, c'est comme, non, c'est un peu surprenant. Ouais. Je regarde, je m'en vais d'abord, je regarde l'avant, je marque 60$, je comprenais plus rien. C'est vrai. Peut-être comment? Peut-être que cette gérant avait peut-être pris un verre d'alcool de trop aussi. Peut-être. Donc, les nets fumées, les chandails en BBM. Si, comme encore, c'est comme le festival de la semaine passée, là, tu vas te rendre dans des places que c'est le même festival que la semaine passée. Celui du Camel. C'était quoi, non? Camelto? Le Camelto. Ah, le festival du Camelto, oui. Oui, oui. Ça fait, c'est ça. Si tu rentres dans un... Non, il y a deux semaines, la semaine passée, c'est pas un massage. Exact. Donc, est-ce que vous trouvez que je zézette? Non, absolument pas. Non. Ben, tu sais, c'est sûr que tout le monde oui, zézette. Oui, toujours des rendez-vous. Je suis pas me mettre des rendez-vous avant mes chroniques radio. C'est bien correct. C'est le fun, c'est que... J'arrive de chez le dentiste, tu sais, j'étais à moitié gelé. J'étais dans mon char. J'allais te dire, donc, que tout le monde zézette parce qu'il y a un délai sur le téléphone et en plus, le son est très mauvais, fait que ça fait un très beau combo. Ça paraît pas, ça comble le fait que je sors de chez le dentiste. C'est ça. Excellent. Donc, moi, je m'entends zézette, c'est pour ça que je me demandais si ça intéressait chez vous. Donc, c'est ça, le festival du Camelto, ça, c'est non. Aller au bar tout seul. Aller au bar tout seul, ben là, si tu veux rencontrer quelqu'un, il faut bien pouvoir faire ça à un moment donné. Non, tu y vas avec des amis. Ah, OK, excuse-moi. Tu y vas avec quelqu'un. Hein? Ouais. Avec quelqu'un. T'as le droit de te dire d'y aller. T'as le droit de dire, comment on y va, une gang de gars. Ça se fait, s'il va tout seul, puis tu crois que personne, ça se fait que t'as la cave seul dans le disant en boiton. Ça se peut. Ouais. Ou sinon, tu vas comme te sentir obligé d'approcher tout le monde, puis là, tu vas plus être gossant que d'autres choses. Et voilà. Voilà. Une autre chose, il y a des places à service. Tu sais, comme le barman, il se promène, ouais. Oui. Puis non, il se promène pas. Qu'est-ce que je peux vous servir? Non, mais toi, Tania, t'es-tu plus à la fille qui va au bar ou qui vient, va se faire servir? Je suis plus la fille qui va au bar. C'est difficile au bar, hein? C'est difficile d'avoir l'accès parce que tout le monde te passe par-dessus. Non, non, pas tant. Non, pas Tania avec les photos qu'elle met sur Facebook, écoute. Hey, moi, je vais pas t'inquiéter, Tania, mais tu changes ta photo beaucoup plus souvent qu'au mois, là. Mais c'est parce que je vais te le dire pourquoi j'ai changé ma photo Facebook personnelle. Elle a changé ses cheveux. J'ai changé mes cheveux. Mais non, j'essaie, mais tu m'avais dit, ah non, moi, c'est au mois, là. Oui, mais entre-temps, j'ai changé mes cheveux. Non, mais attends, là, c'est pas une raison. Tu nous avais dit que c'était au mois. C'est une raison, en masse. Ouais, mais si mes cheveux sont plus de la bonne couleur, je vais pas représentatif, c'est oui. Ça. OK, c'est vrai. Faut pas représentatif. C'est au moins. C'est correct. Regarde, c'est au mois ou au changement physique, peu importe lequel arrive en premier. C'est ça, exactement. Okay. Voilà. C'est ça. Enceinte. Boy, non, ça arrivera pas du tout, mais c'est au changement capillaire ou au mois. Ou au 1000 km. Ou au 1000 km. Ah, au changement d'huile. Quand je change mon huile, je change d'heure, tu changes d'huile, tu changes ta batterie dans le décalage. C'est exactement, c'est à ce moment-là que ça se passe. Okay. Mais je suis plus du genre à me rendre directement au bar parce que j'ai ça attendre après quelqu'un. Ouais, parce que ça peut être long. Exactement. Ouais, tu vas demander que la commande à la fille qui passe, mettons, là, qui te demande voulez-vous quelque chose? Ben, elle va en faire 42 avant de se rendre au bar. Mm-hmm. Si je me rends moi-même au bar, j'attends toute seule après mon propre verre. J'attends pas après tes 42 autres drinks, là. Mon nouveau jeu, quand je vais au bar, c'est la fille qui passe, je fais un défi. Lui qui revient le plus vite avec l'alcool à la table. Mais non, elle vient, tu veux que je me demande, oui, ça va être une pinte de Ricard's Red, mettons. Excellent, merci. Je regarde, je me lève, on va au bar, une pinte de Ricard, je m'arrête, elle dit, oh, vous êtes servi? Puis je dis, ben oui. Puis là, elle reste bête. Eh, ben oui, mais c'est sûr. T'es en train de dire qu'elle fait pas sa job. Non, mais j'ai été servi, ben oui, par votre collègue. Là, elle comprend plus, là. Elle est comme ambiguë, elle a comme 12 verres sur son plateau, elle est comme. Là, j'ai une bonne record de plus. Mais là, en théorie, tu devrais payer tes deux verres. Ouais. Ben oui, je paye mes deux verres. OK. Ah, finalement, tu veux juste deux bières rapidement. Non, non, c'est juste parce que elle réalise juste que, dans le fond, sa tâche est peut-être un petit peu inefficace. Ouais. Est-ce que tu as vu passer sur Internet, là, c'est vraiment une très mauvaise façon de faire, mais il y a une personne qui mettait genre des billets, je pense que c'était 5 billets d'une pièce avec un couteau par-dessus au restaurant. Puis si la personne, mettons, c'était le type de la serveuse, puis aussi qu'il y avait une erreur, il enlevait un billet à chaque fois, tu sais, puis genre c'était comme pour l'encourager de pas faire d'erreur. Est-ce que tu ferais ça au bar, genre dire, OK, tu m'emmènes ma bière dans 5 minutes et à chaque minute, je t'enlève une pièce de type? Pas fou? Mais ça serait écœurant comme concept. J'ai dit ça, moi je trouve ça vraiment bête. Là. Mais non, mais c'est parfait parce que quand t'es sous, tu peux mettre 30-20 piastres. Ouais, j'enlève à 20 piastres, elle ne revient pas. Elle va courir, tu comprends? Elle va courir, elle va faire un sprint. Elle te ramasse une belle record, elle vient d'avoir 100 piastres dans ce soir-là. C'est ça. Elle est bien heureuse. Ouais. Mais il y a d'autres, dans le même concept de rapidité, là, parce qu'on dérive un peu le sujet, puis on va finir là-dessus, là, parce qu'on dérive le sujet. Voilà. Attends. Il y a une pizzeria à Québec qui te livre chez toi, si t'as la bonne adresse, toute. Là, mettons, tu dis, j'habite au 2240 boulevard des Cirques. On sait c'est quoi l'adresse, alors. Ouais. Donc, c'est pas ma vraie adresse. gmail.com. Hey, une chance que tu nous dis c'était quoi une adresse, Xavier? Non, mais en fait, ce que je t'ai dit, c'est le numéro de la rue que je suis, mais je suis pas sur des Sims. Puis le coin de rue que je suis, où je vois des Sims. Fait que c'est un coin qui existe, mais c'est pas la bonne adresse à la bonne adresse. Fascinant. Fascinant, hein? Quand le gars, il voit quelque chose, il dit bon. Fait que là, si tu lis pas en dedans de 20 minutes, ouais. Ta pizza est gratuite. Ouais. Hey, 20 minutes, c'est pas beaucoup, ça, là, 20 minutes. 30 minutes, OK, mais 20 minutes, wow. 20 minutes. Et il y a des gars qui ont profité de ce jeu-là. Parce qu'il y a des thèmes, mettons, dans une place qu'il faut que tu saches où la porte. Ah, mais c'est con! Ce que ça va faire, là, c'est que le restaurant va mettre certaines rues hors limite de cette offre-là. Tu sais, il y a des restaurants que même si t'es... Pour vrai, je pense que c'est Pizza Hut. Ils livrent pas chez ma soeur qui habite à 5 minutes, mais ils livrent chez nous à 35 minutes l'autre bord, tu sais. C'est con. Ils mettent des limites qui sont complètement absurdes. Ils vont commencer à faire ça eux aussi. J'ai un exemple. Quand je te livrais à la maison, on avait des limites prédéfinies par les compagnies parce qu'on avait un secteur à respecter. C'est ça, en exact. Ouais. Mais il y a une rivière, ça peut séparer un secteur. Oui, exact. Donc, ce gars-là, il y avait, mettons, un appartement face arrière, puis il disait pas. Et là, le gars, il arrivait, puis là, ça faisait des gratuites. Mais t'es obligé de typer sur le prix de ta pizza. J'aime pas les gens qui tirent profit de choses comme ça, qui sont... Moi, je l'ai déjà dit que moi, je profitais des grosses compagnies qui font de l'argent, c'est pas grave si on les crosse un peu. Ah, je peux comprendre, mais ça, il me semble que c'est d'étirer les règles dans des zones grises foncées, je trouve. Ouais. Mais moi, c'est, tu sais, comme je t'ai dit, si c'est une pizzeria locale qui fait ça, mais si c'est, mettons, je vais nommer une compagnie comme... Domino's, tu sais, c'est des compagnies internationales, s'ils perdent 2 piastres ou 20 piastres, ça me dérange pas tant. Ouais, je comprends. Ils perdront pas l'action à la bourse, ça descendra pas parce que j'ai commandé le pizza et il est gratuit. Moi, c'est un peu le concept de tu sais, ce qu'on dit des fois en mauvais français, la pomme pourrite. Oui. Ceux qui vont profiter du système vont faire que le système va changer puis il n'y en aura plus des pizzas gratuites après 20 minutes. C'est ça qui est plate. Mais il faut qu'il y en aille. Ça va arrêter. C'est l'offre parce qu'il se trouve assez cool pour le faire. Je sais pas. Moi, c'est des affaires qui vont. ça va changer. Bref, je sais pas. Ça fait un petit peu le tour pour le bar. On en reparlera peut-être d'autres fois, mais c'est ça. Fait que soyez... Qu'aussi que vous sentez que vous avez un manque de jugement, oui. Hein, vous dites des choses à travers votre chapeau, genre... « Hey, t'es tellement belle toutes les étoiles sont dans tes yeux. » Ou « Ton père doit être un téliban, on fait une belle bombe comme toi. Ah! » Mais quand que t'es rendu à dire des choses comme ça? Ah non, mais écoute, il y en a plein, là. T'as des belles jambes, à quelle heure elles ouvrent? Non, mais tu sais, quand t'es rendu là... Non, ouais. Mais ma préférée... Non, je vais dire ma préférée des gossous. Hey, c'est comment ça pèse un ours polaire. Je sais pas. Juste assez pour briser la glace. Salut, moi c'est Xavier. Oh mon Dieu. Yeah. Tu l'as-tu vraiment déjà fait? Ben non, okay. Jamais. À moins d'un gros manque de jugement, là, ouais. Pour moi. Ben honnêtement, là, moi me faire dire ça, là, peut-être que, tout dépendant de comment le gars est sérieux en oui, me le disant. Oui, c'est ça, ça peut être drôle. Oui, c'est ça. S'il vient me le dire en riant, je vais probablement la rire pour faire « OK, c'est correct. » J'y donne une chance. Tu peux me payer. Voilà, c'est fois, oui, la seule fois, je dois dire que la seule fois que je l'ai vu, c'est un prêtre qui le faisait. Mais on travaille dans un lieu où je travaille, on a des costumes historiques et on est dans les fêtes de la Nouvelle-France avec nos costumes historiques et le gars était déguisé en cardinal. Okay. Puis là, il dit, t'es pas capable d'aller croiser les filles déguisées en cardinal, puis là, il a fait ça. Mais il était wow. On va dire, on doit pas être de la Nouvelle-France, l'alcool est sur les lieux et est ouvert, là, tu as le droit d'en prendre. Donc, il avait pris quelques verres, là, le cardinal, il avait de l'alcool dans le nez, il avait du vin de messe, il avait pris ben du vin de messe. Ouais. Fait que, tu sais, c'était juste drôle, mais le cardinal, tu sais, c'était correct que c'est un cardinal qui fait cette blague-là. Hein, donc, c'est ça. Donc, quand t'es rendu à dire des phrases comme ça, quand t'es rendu à te mettre en chaise, quand t'es rendu à t'ouvrir la fly 8 pieds avant d'arriver à la baignoire, quand que t'as besoin de, tu sais, du mur aux toilettes pour pisser, t'es à côté à droite, là, ouais. Ou à gauche, puis ouais. Tu déroules le papier à moitié smooth, là, mm-hmm. Parce que je fais des mouvements en même temps, j'aimerais ça que tu sois là. Ah, j'aimerais ça voir aussi. Mais donc, t'es à côté juste, t'es derrière le mur comme de la cabine de toilette pour faire pipi, puis comme tu roules le papier, puis comme tu roules à terre, puis c'est trop long, puis trop large pour avancer. Mm-hmm. Là, arrête, tu sais. Mm-hmm. Soyez jugement, respectez-vous, puis comme on dit ça, l'alcool vaut mieux guérir que prévenir. Voilà. Oui, c'est ça le slogan, là. Alcool. Oui. Éduque l'alcool. L'alcool vaut mieux guérir qu'opérer. Mais non, mais écoute, moi, tu marches dans la rue, t'as l'impression d'être suivi, mais t'es tout seul. Ça, c'est la drogue, je pense, plus que l'alcool. Non, non, c'est vrai. Mais il y a un de mes amis, sérieusement, puis on va revenir à un point sérieux, qui a décidé de ne pas prendre ton auto. Ouais. Très bonne chose. Ben oui. Par une journée de glace, puis il était pas allé veiller avec ses souliers à crampons. Il y avait du jugement. Il avait décidé d'être logique, ouais. Mais il a glissé sur un trottoir et il s'est pété les quatre dents en avant. Ah! Et c'était okay, terminé. Et là, il y a un partiel quatre dents. Ouais, hein? Oh. Tu sais, il aurait pu. Gage, tu te prends en fonction de comment tu sais que tu vas revenir. Hmm. Ouais. Parce que tu sais, si tu sais que tu reviens à pied et c'est glacé comme la fois qu'un gars s'est cassé le bras, un gars de radio. Là, ouais, c'est ça, un gars de radio, là. L'émission du Mathieu Blanc. Oui, c'est ça. Il me dit. Mais là, il en est de même. Il était pas sous, ce gars-là. Il me dit vaguement quelque chose, ce gars-là. J'ai déjà entendu son nom quelque part. Ouais, c'est ça. Ouais, des nouvelles. Il doit être une histoire de agression. Je sais pas. Ah oui, on lance les rumeurs au propos. OK, non, on revenons sur ça. Donc, c'est ça. Essayez de revenir avec. Trouver un moyen logique de revenir. Là, oui. Puis, prévoyez vos plans à sortir, puis amusez-vous. Puis moi, je vous parle la semaine prochaine. Je vais essayer de vous parler la semaine prochaine normalement. Pour la dernière fois, parce que ça, c'est mon grand départ. Non, mais là, il y a le téléphone qui est en main dans les autres régions. Hein. Mais non, mais il s'en va dans un camp, là. Ah, c'est vrai, il n'y aura le pas de téléphone. Le camp de moi, les jeunes. Continuez à faire de l'escalade. Il n'y a pas de bonne part, on va téléphoner pour faire une chronique. Tu devrais faire des chroniques à tes jeunes. Ah! Je connais pas dire non. Qu'on peut pas faire quand t'es jeune. Mais écoute, parlez-vous, là. Trouvez la chronique que vous voulez que je fasse la semaine prochaine. Choisissez votre sujet pour finir, là, pour l'été. Mais t'as parlé de cruiser, ça pourrait être des affaires comme ça. Je connais pas dire qu'on a pas faire pour trouver une personne. OK. Mais moi, on a déjà parlé de la première date de rencontre, là. Tu peux faire un top 10 des pires phrases de cruise? Non, j'aime ça. Oui, pourquoi pas? Mm-hmm. OK. Un top 10 des pires phrases de cruise que j'ai entendu ou que je trouve sur Internet? Les deux. Un mix. Maintenant, un top 5. Ouais, vas-y. OK. Ça va être ça la semaine prochaine. Voilà, c'est réglé. Génial. Colin, Xavier Clich, qui jusqu'à maintenant, pour le début de l'été, est vraiment fiable dans notre émission. Donc, on va jusqu'à la semaine prochaine. J'ai toujours été fiable. Tout le temps. Ça va super bien. C'est vrai, c'est un des chroniqueurs qui a été le plus fiable. Absolument. Jusqu'à présent. On t'apprécie, Xavier McLeish. Ouais, c'est qui l'autre que je casse une jambe ou qui vient de prendre? Alpha. Je vais être le plus fiable. Je vais être là, c'est qui l'autre? Le Gertin, c'est Justine. Justine, hein? Renaud. Justine est très fiable. Justine Renaud. Elle avait tout elle que j'aille tirer des roches dans son char. Pour que tu sois le plus fiable. Ouais, c'est moi le plus fiable. Je suis comme un Honda Civic ou une Toyota Echo, ça dure longtemps. C'est ça. Et tu coûtes pas cher de gaz, hein? Je coûte pas cher de gaz. C'est efficace. Ils te mettent 20 piastres et t'en prends pour 60. C'est du point A au point B rapidement. Efficace et efficient. Voilà. C'est ça. Wow. Le Google Maps de la démission. Merci, Xavier McLeish. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Xavier McLeish en direct d'un endroit téléphonique comme ça dans une canne de thon et nous voilà revenus. Ah, mon Dieu, on est de retour en studio. Nous voilà. Moi, j'ai l'impression que le cerveau me fait des défauts. Ça n'a pas de sens. Moi, ça fait mal. Les écouteurs s'entendent comme ça pendant 20 minutes. Mais c'est pas grave. Faut ce qu'il faut des fois pour avoir Xavier McLeish à l'émission. Tout à fait. Voilà. On le remercie encore. On se retrouve la semaine prochaine dans les mêmes coins, probablement en début de deuxième heure de notre émission. On a parlé d'alcool, on a parlé de se verser un verre, mais pas trop longtemps. Donc, on écoute notre nouveau classique. On peut pas s'en empêcher. On dirait qu'il faut qu'on le joue à chaque émission. Ah ouais? Voici Bombargo et Pour Me Another. Oh, tout qu'on à l'aime. Fait. Assemblage Rookie! Au 89 FM! Pour Me Another, like yesterday. Pour me another, I'm gonna drown in my own shame. Pour me another, you're gonna miss me when I'm gone. Pour me another, and I'll be on my way back home. Whiskey bottle day. Addictive ways, and I'd be lying if I didn't say this bottle's leading me through the haze. It's getting heavy. Bombargo avec Pour Me Another. On adore ça. Hey, j'aime vraiment le style musical derrière tout ça. Je trouve que ça fait blues, rock un peu, tout en étant quasiment pop. C'est très bon. Toutes les pièces qu'on joue jusqu'à maintenant sont vraiment bonnes. L'émission, on a vraiment filtré ça à quelles les meilleures pièces. On aime ça. Et en plus, ça parlait du sujet qu'on a abordé avec Xavier McLeish, le gars qui va se noyer dans son propre caca parce qu'il a trop bu. Ça fit. C'est pareil. Ça fit. Au retour de la pause, Tania is gonna entertain you. On va triper mes raies dans culture et endroit où aller. C'est ça? J'espère. C'est ça, c'est ça, on croise les doigts. Toi aujourd'hui, assemblage de qui? Vous êtes assez pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Assemblage pour toi aujourd'hui. Pour la semaine du 8 mai 2017, elle est Tania Bonin. Et Mathieu Plante. Ok, oui. J'ai entendu dire que d'ici, je sais pas, d'ici la fin de l'émission, il nous reste à peu près la moitié de l'émission environ. Oui. On devrait parler, pas avec, mais de David Ferron et de l'Eurovision. C'est vrai. Son sujet préféré. C'est vrai. On devrait. Si tout va bien d'ici la fin de l'émission, ça s'en vient. Mais avant ça, c'est le moment d'entendre Tania Baudin nous parler, nous divertir. Voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna do Tania Baudin. Bon après-midi. Bon après-midi. Je m'en vais dire bon matin. Ouais, ben bonjour. Ben oui, bonjour. Il y a des gens qui nous écoutent le mercredi matin à 11h. C'est vrai, tout à fait. Il est pas mal dépassé midi, mais c'est pas grave. C'est ça, ouais, c'est un peu. Peu importe. Hein? De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? De culture. Bien, on va parler de culture, on va parler d'événements culturels, mais aussi, surtout, on va parler d'un endroit en particulier qui pourrait faire vibrer un petit peu Trois-Rivières sur sa forme culturelle. Je vous en parle tout simplement parce qu'en fait, j'ai eu une discussion avec un de mes amis qui n'est pas de la région et qui est resté pris ici. Là. Il n'est pas resté pris, mais il a fait le guide déménage ici pour les études, entre autres. Puis, on m'expliquait que, tu sais, à Trois-Rivières, tu fais quand même assez rapidement le tour de Trois-Rivières. Un peu, le centre de l'Est de c'est ça. On m'expliquait que, bon, quand t'as vu les vieilles forges, t'as vu les vieilles forges, puis quand t'as vu le centre-ville, t'as vu le centre-ville. Le port. Exactement. Et je me suis dit, il y a quand même des événements en Trois-Rivières qui sont culturellement parlant assez développés. C'est-à-dire ville d'histoire et de culture. Exactement. Donc, je veux vous parler, entre autres, de la première, du premier événement dont je veux vous parler, c'est le Bibliovente. Oh. Je sais pas si t'as déjà participé à cet événement-là, Mathieu. Non. Mais moi, lorsque j'étais jeune, le Bibliovente, ça me faisait vibrer. Je tripais sur la lecture. Donc, automatiquement, vous l'aurez deviné, biblio, c'est pour bibliothèque. Et vente, c'est pour la vente de ces fameux livres-là. Donc, quand j'étais jeune, je pouvais passer une journée entière à la bibliovente avec mon père à fouiner dans les livres, à regarder les livres. Et bien souvent, bien, on va aller au poids pour la vente c'est de vrai. Ces livres-là. Donc, la population, en fait, est invitée justement à participer pour la 19e année cette année à la bibliovente. Ça a lieu à la bâtisse industrielle. Donc, c'est pas très loin, c'est pas difficile à trouver la bâtisse industrielle. Si vous vous êtes déjà rendu sur, le terrain de l'exposition, comme on appelle. Le stationnement alternatif, c'est, ça. C'est là que ça se passe. Le stationnement alternatif de l'UQTR, à côté du Colisée, l'aréna de poche, comme l'hippodrome, on appelle ça. Ouais, ouais. L'hippodrome. Les aigues. Les aigues. Bien, vous êtes pas mal à la bâtisse industrielle, en fait. Donc, c'est sûr et certain que vous avez déjà entendu parler de cet emplacement-là. Le salon de jeu de Trois-Rivières. Exactement. Et à ce moment-là, bien, les visiteurs vont avoir le choix parmi plus de 100 000 documents qui proviennent de dons ou de l'étalage des bibliothèques de Trois-Rivières, justement, de Shawinigan, de Mont-Carmel et aussi du réseau Biblio Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie. Et à ce moment-là, vous allez, comme je le disais, pouvoir faire votre choix de livres. Vous allez pouvoir passer vraiment beaucoup de temps à justement fouiner un petit peu, lire le dos des livres et tout simplement, si vous êtes passionné de lecture, bien, ça, c'est gratuit entrer là-bas. Ça vous coûte absolument rien. Vous pouvez fouiner, vous pouvez quasiment lire un livre au grand complet en, dans une après-midi. Vous avez le droit de partir sans rien acheter, mais c'est rare. C'est très rare parce que bien souvent, on va avoir la piqûre pour un livre en particulier. Puis c'est comme ça qu'on va se ramasser à en avoir plein dans nos mains. Et de la façon que ça fonctionne, mais je vous parlais que ça va être vendu selon le poids. Donc, en fait, les livres vont être vendus au kilo. Ça va être 3$ du kilo. Et il va y avoir des bandes dessinées aussi. Donc ça, c'est à l'unité. Ça revient à 2$ l'unité. Avec la technologie et tout ça, bien, on a intégré à ça les CD puis les DVD depuis quelques années maintenant. Eux aussi sont à l'unité, mais c'est vraiment très peu cher. Là, c'est 2$ à l'unité. Et on parle aussi de jeux vidéo. Oh. Donc, 5$ l'unité, si jamais vous êtes intéressé à aller faire un petit peu le tour, tout dépendant de votre console de jeux vidéo. Ah. Mais ce sont des prix, justement, qui sont abordables, qui sont le fun. C'est sûr qu'automatiquement, si ça le fait partie d'une bibliothèque ou d'un don, bien, le livre a déjà été lu. Mais automatiquement, on se dit qu'il y a comme une histoire derrière ça, si ça a déjà été lu. Et c'est souvent ce qui va nous amener, justement, à vouloir en prendre possession à notre tour. Il y a une carte des gens qui l'ont pris à la bibliothèque. Là, tu peux t'inventer des histoires. Non, je ne pensais pas, malheureusement. mais si jamais il y a quoi que ce soit, bien, les modes de paiement, c'est soit en argent comptant ou maintenant, on a paiement direct. Ben, donc, c'est vraiment cool d'aller faire un tour à la bibliovente. Comme je le disais tout à l'heure, moi, j'étais passionnée de ça quand j'étais jeune. Je voulais y aller à chaque année. Et c'est une équipe quand même qui va se relayer. Et si jamais ça vous intéresse de donner vos livres, de faire un don, je vous le dis parce que c'est comme aujourd'hui jusqu'à 17h. Là, donc, le jeudi 11 mai, c'est pas mal comme là. Il reste 1h10. C'est ça. Vous avez jusqu'à 17h pour aller mener vos livres à la bâtisse industrielle. Et il y a seulement les romans, les documentaires, les encyclopédies et les livres pour enfants qui sont en bon état, qui vont être acceptés. Donc, tout à l'heure, quand je disais que ça allait déjà été lu, mais s'il est à moitié déchiré, automatiquement, vous n'allez pas pouvoir partir les avec. Le dessin des marges. C'est ça. Il sera même pas là. Mmh. On accepte les livres qui sont en bon état. Et encore une fois, bien, votre don peut peut-être, je ne veux pas dire changer la vie de quelqu'un, mais peut peut-être faire le bonheur de quelqu'un qui est passionné par la lecture ou qui veut tout simplement peut-être découvrir quelque chose de différent. On ne sait jamais. La deuxième activité dont je veux vous parler, c'est une activité à laquelle je suis vraiment triste de ne pas pouvoir participer parce que je vais être en onde jeudi prochain et ça se déroule justement jeudi prochain. Mais pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? C'est parce que le nombre de places est limité et vous devez réserver. En fait, c'est un thé à l'anglaise et c'est une activité bénéfice. Où ça se passe? Ça se passe du côté du Musée québécois de culture populaire à Trois-Rivières. Donc, on parle du centre-ville pour ceux qui sont peut-être pas super à l'aise avec où est le musée. Attends, il y a un musée à Trois-Rivières. Hein? Je me suis fait dire ça à la même personne. Ben ouais. Et c'est pourquoi j'ai décidé de parler du Musée québécois de culture populaire un petit peu plus tard après que je vous présente cette activité-là. C'est que je me suis dit, attends, là. Toi, t'es en train de me dire que t'es partie de Montréal. Tu t'es emmenée à Trois-Rivières. Puis tu sais pas qu'il y a un musée. T'as fait quoi, là? T'es restée à l'université, ouais. Prenez, si vous venez pas d'ici, prenez le temps d'aller faire le tour de Trois-Rivières, mais vraiment faire le tour, puis de fouiner aussi sur ce que Trois-Rivières offre. Et justement, bien, cette activité-là, c'est pour la fondation du Musée québécois de culture populaire, parce qu'on marche souvent avec les dons pour le musée, pour les expositions et tout ça. Donc, on vous invite en fait à un thé bénéfice qui va se dérouler à 16h30 la semaine prochaine, et ça va être dans le grand hall du musée. Ça va être M. François Roy, qui est un communicateur quand même bien connu ici en Mauricie, qui est trifluvien, et il va livrer en fait des capsules historiques trifluviennes sur la Confédération, parce qu'on fête cette année le 150e anniversaire du maire de la ville de cette époque-là. Donc, c'est un petit peu ce qui va se dérouler, mais ça va se dérouler bien évidemment en ayant un petit service de petits sandwichs, là, puis de petits mini-hardises. Pour ça, tu veux y aller, hein? Ben, c'est parce qu'en fait, je dois avouer que ma famille est quand même assez portée sur la monarchie anglaise. Ah, fouille-moi oui. Pourquoi. Wow, okay. Et j'ai toujours été amenée à apprécier ce genre de d'événements-là, okay. De traditions-là, de prendre le thé avec des gens, de discuter avec des ces gens-là. Fancy, là. Je trouve ça cute, je trouve ça le fun. Ça m'intéresse. Tu peux encore y aller la semaine prochaine, 16h30. Tu aurais fait trois quarts d'émission. Oui, c'est ça. J'allais être limite si je veux y aller. Mais je vous avertis, c'est 28$ par personne, mais c'est tout inclus. Okay. Là. Vous allez avoir le thé, vous allez avoir les petits sandwichs au concombre, puis ce qu'ils vont vous offrir. Et vous allez bien évidemment avoir la présentation de ces fameuses capsules historiques-là. C'est qui ton membre de la famille royale préférée, si t'as une passion pour ça? Ben, la reine. Oh, ben, la reine. Rien de moins. Hey. Moi, la reine. That's it. As-tu commandé ta photo de la reine? Je ne pas plus. J'ai parlé dans une chronique. Je sais, Mathieu, j'ai eu une... C'est gratuit. Mais j'ai eu une discussion avec moi-même. Sur le site du gouvernement. Je me suis dit, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, me faire juger. Puis qu'est-ce que je fais si... Au-dessus de ton lit, là? Tu sais, si je me fais un endroit dans mon appartement où on peut avoir des livres et tout ça, tu sais, j'y mettrais la photo de la reine, ouais. Mais c'est un peu bizarre. Puis. Achète-toi des cadres numériques, là, puis là, tu pourras avoir la reine qui bouge comme dans Harry Potter. Ça serait pas pire. Ah, ça serait hot, tu sais, comme la madame dans le, ouais. Dans le cadre. C'est ça. Donc, comme je vous le disais, c'est un nombre de places limitées et la réservation est obligatoire avant le 15 mai. Okay. Donc, il vous reste quelques jours pour pouvoir réserver si jamais ça vous intéresse. C'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai décidé de vous le présenter aujourd'hui. Et comme je le disais, bien, c'est au coût de 28 $ mais vous allez quand même avoir une soirée ou plutôt un thé, l'heure du thé, comme ça, qui va être agréable parce que vous allez peut-être découvrir certaines choses historiques par rapport à la ville de Trois-Rivières. Et si vous êtes comme moi, bien, c'est peut-être des choses que vous savez peut-être même pas sur la ville de Trois-Rivières et sur les gens qui étaient là dans ce temps-là. Donc, c'est une belle activité. Et je me suis dit, pourquoi pas, en même temps, discuter du Musée québécois de culture populaire parce que parfois... C'est un endroit qu'on oublie, le Musée québécois de culture populaire à Trois-Rivières. Moi, je pense que la dernière fois j'ai mis les pieds dans le Musée québécois de la culture populaire de Trois-Rivières, j'étais au primaire. C'était pour une exposition, d'ailleurs. À un certain moment, on a arrêté de faire des expositions à ce musée-là. C'est sûr que... Avec aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile d'essayer de mousser l'intérêt des gens d'aller visiter un musée, surtout quand on a une population comme la nôtre qui n'est pas extrêmement grande. Donc, de voir un achalandage au musée, c'est quand même peut-être un petit peu plus difficile. Mais sachez qu'il y a encore beaucoup d'expositions au Musée québécois de culture populaire ici. Et c'est ça qui est le fun, c'est qu'on n'est peut-être pas tout le temps au courant. Mais je me... T'es-tu déjà posé la question en passant devant le Musée de culture québécois? Ouais. Peux-tu l'appeler le musée là, de Trois-Rivières? Le musée pop. Oui, c'est ça, le musée pop de Trois-Rivières. Quelles étaient ces fameuses grosses boîtes en granit devant le musée? T'es-tu déjà posé la question? Ouais. Moi, en tout cas, à chaque fois que je passais là, je trouvais ça donlette. Jusqu'à temps que je sache c'était quoi ces fameux coffres, ces fameuses boîtes-là qui se retrouvent devant le musée. Bien, en fait, c'est des coffres de granit qui sont à l'extérieur, mais vous allez aussi avoir des images de ces coffres-là à l'intérieur, sur le plancher, dans le hall du musée. Vous allez retrouver certains motifs qui vont se... C'est comme leur icône, si exactement. On veut. Bien, en fait, c'est une œuvre qui est intitulée « La mélancolie des coffres okay. ». C'est une œuvre qui a été réalisée en 1996 par l'artiste québécoise Marie-France Brière. Et c'était dans le cadre d'un programme d'intégration des arts à l'architecture du Québec. Donc, on en a fait un petit peu notre emblématique au niveau du musée. Mais l'œuvre, en fait, ça représente des coffres d'espérance. Oh. Et qu'est-ce que c'est? Bien, ce sont des coffres qui étaient fabriqués dans le temps pour ranger le trousseau de mariage. Tu sais, tout ce qui était les vêtements, tout ce qui était les faire-part, tout ce qui était les cartes de mariage. Ben, tu sais, dans le temps, on les gardait, ces affaires-là. C'est des choses qu'on voulait conserver, justement, en tant que couple. Donc, ça contenait des vêtements, des linges de maison, les linges de la future mariée, et c'était comme le gardien des trésors du mariage. Donc, l'œuvre, en fait, ça prolonge, comme je le disais tout à l'heure, à l'intérieur du musée, où on va trouver d'ailleurs des coffres qui vont être représentés sur le plancher. Vous allez aussi avoir des insertions de certains motifs de granit à l'intérieur du musée, sur les murs, à certains endroits dans les toilettes à certains moments. Donc, vous allez pouvoir retrouver cette mélancolie des coffres-là. Et j'ai quand même trouvé ça intéressant parce que j'avais aucune idée qu'est-ce que ça représentait. As-tu déjà essayé d'en ouvrir un? Bien, je crois pas qu'il puisse s'ouvrir. Ah, zut! Il était sur mute, mon tadine. T'as peur. Ah! C'est comme au casino, même affaire. Ben oui, c'est ça, c'est comme casino, ben oui. C'est pareil, tu Zelda trouves un trésor de là, exactement. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas parler un petit peu plus du musée de Trois-Rivières. Donc, en fait, c'est un musée qui est de société et qui témoigne de l'identité qui est unique de société québécoise, mais ici à Trois-Rivières. Donc, l'historique du musée, ça a été créé en décembre 2001. On a ouvert les portes au public en juin 2003. Donc, déjà, il y a eu un réaménagement au niveau de l'administration parce que le musée à Trois-Rivières a été fermé pendant quand même plusieurs années. Et on propose d'aller justement à la rencontre du vécu, de certaines préoccupations et des valeurs des Québécois. Et c'est un musée pour justement voir la culture autrement. Et là, quand je parle de culture autrement, bien, ça m'apporte un petit peu à un programme qui s'est développé dans les derniers mois et que vous allez pouvoir voir de plus en plus au niveau du musée de Trois-Rivières. C'est une collaboration entre le musée et DJ Hub Shawinigan. Mm-hmm. J'en avais déjà discuté un petit peu, c'était plus ou moins clair qu'est-ce qui se passait avec ça, mais on parle d'un laboratoire vivant au musée de culture populaire de Trois-Rivières qui est affilié avec justement DJ Hub de Shawinigan. On a signé une entente de partenariat pour créer le programme Muséolab. En fait, on joint l'expertise des deux entités qui vont bien évidemment fournir l'opportunité d'expérimenter et de développer dans le secteur de la muséologie, parce que je le disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui se fait mousser tant que ça. L'intérêt des gens d'aller voir des expositions, bien, tu te dis qu'une exposition, ça peut prendre 5 minutes peut-être à faire, encore plus si c'est peut-être un sujet qui nous intéresse plus ou moins. Donc, on fait l'intégration d'initiatives numériques avec ce fameux programme-là. Donc, le Musée de culture de Trois-Rivières va entreprendre un virage qui va être technologique, justement pour essayer de rejoindre d'une nouvelle façon les visiteurs, mais surtout la communauté locale par les médias numériques et d'essayer de devenir un mode de communication quotidien. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de transformer l'expérience client quand on va aller voir une exposition. Et quand le visiteur va entrer dans le musée, bien, on va se sentir un petit peu plus interpellé justement à participer activement à notre expérience au musée. Et le DJ Hub, bien, c'est spécialisé bien évidemment en muséologie et en patrimoine numérique. On crée des prototypes, on crée aussi des nouvelles approches, des concepts numériques, mais on n'a pas d'espace réel parce que si vous vous rappelez bien, DJ Hub Shawinigan, c'est un endroit où on retrouve plusieurs compagnies. C'est un endroit où on peut avoir, en temps normal, peut-être 5-6 compagnies qui vont tous travailler sur des projets différents. Donc, DJ Hub Shawinigan n'a pas nécessairement un espace qui est réel et on veut un accès à la communauté puis aux visiteurs pour justement tester, expérimenter puis consulter nos nouvelles technologies numériques. Et le musée, en s'associant avec DJ Hub, bien, c'est un petit peu cette opportunité-là qu'on crée des deux côtés. C'est qu'on crée un achalandage qui va être nouveau du côté du musée, mais du côté de DJ Hub, on cherche à pouvoir tester nos nouvelles technologies et c'est au musée qu'on a décidé d'avoir cette espèce de terrain de jeu-là, ce qui est une idée quand même assez différente de ce qu'on voit en temps normal et surtout très, très innovatrice. Donc, si on parle d'exposition quasi virtuelle, bien, sachez-le, c'est maintenant possible. Si vous vous dites, ouais, mais moi, ça me tente pas de passer mon dimanche après-midi, là, d'aller faire le tour du musée, d'avoir chaud, puis de me dire que j'aurais dû avoir un café glacé devant moi ou quoi que ce soit, bien, sachez que le Musée de culture québécoise de Trois-Rivières vous propose des expositions virtuelles. Présentement, il y en a deux, mais celle qui m'a le plus interpellée, c'est le début d'un temps nouveau. En fait, on va parler de la Révolution tranquille québécoise, mais de façon virtuelle. Donc, vous allez avoir 8 tableaux au total. Vous allez, entre autres, passer de 1959 à 1970. Et vous allez, bien évidemment, trouver la période qui précède la Révolution tranquille, celle de l'après-guerre. Vous allez aussi voir celle qui révèle les événements qui ont été riches en histoire pendant ce temps-là au Québec. Vous allez aussi avoir quatre tableaux qui vont se pencher sur les bouleversements du monde de l'éducation dans ces temps-là, la redéfinition du rôle de l'État, parce qu'on le sait, si vous avez eu des cours d'histoire au secondaire ou peu importe, bien, on en a déjà discuté, tu sais, ça chamboule des affaires, la Révolution tranquille, et par la suite, vous allez voir l'appropriation par les Québécois des grands leviers de leur économie, donc notre économie québécoise, comment ça a commencé, tout ça. Vous allez aussi voir l'affirmation du Québec sur la scène politique. Donc, peut-être que si jamais vous avez des questionnements par rapport à c'est quoi notre fameuse politique québécoise, pourquoi le monde sont si divisés que ça, bien, vous allez pouvoir comprendre beaucoup de choses avec cette exposition qui va être virtuelle-là. Et ce qui est le fun, c'est que vous n'avez pas besoin de vous lever, justement, pour vous rendre à cette exposition-là. Elle vous coûte absolument rien. Vous avez juste à rester dans votre salon avec votre fameux petit café glacé, puis vous allez pouvoir la visionner de A à Z dans le nombre de temps que vous allez vouloir. Donc, c'est vraiment vous qui allez être responsable en quelque sorte de ce que vous allez regarder, à quelle vitesse vous allez la regarder. Et bien évidemment, Mais si vous avez des questions, vous pouvez toujours vous rendre sur le forum du musée et discuter avec certaines personnes qui ont peut-être eux aussi vu cette exposition virtuelle-là, échanger sur le sujet et surtout peut-être ça va vous amener des recherches par la suite si vous voulez en savoir plus. Mais j'ai trouvé l'idée quand même très excellente d'arriver à faire des expositions virtuelles qui sont tellement différentes que dans le temps où on était obligé d'aller faire une sortie de musée au primaire puis au secondaire, puis tout le monde haïssait ça. Ouais. Fallait-tu garder ton manteau sur le dos, tes grosses bottes dans tes pieds? J'haïssais ça. On vit dans le futur. Exactement, on vit dans le futur. Puis c'est le fun de voir que la technologie suit aussi la culture. Parce que souvent, on va se dire que c'est un petit peu plus difficile côté exposition, côté histoire aussi, d'arriver à faire jongler ces deux domaines-là qui sont quand même assez différents en quelque sorte. Et d'arriver à un terme où on va se dire... Moses, c'est intéressant de ce côté-là. Et je pense que les expositions virtuelles, bien, ça peut intéresser plusieurs personnes. Tout à fait. Voilà. Eh bien, c'est le fun, c'est de la culture comme ça. Ben oui. Cool. C'est des événements auxquels on pense pas nécessairement tout le temps, qui peuvent nous sortir de notre zone de confort. Et parfois, ça peut nous amener un intérêt qui va être complètement différent de ce qu'on a en temps normal. Mmh, une belle activité. Oui, tout à fait. Ça et la bibliothèque dont on parlait tantôt. Génial. Maintenant, pour terminer ta chronique, Tania, une petite pièce qui t'as rendu, je pense, t'as attiré l'œil par sa tendresse. Oui, exactement. On va écouter Tendre et l'âme de François and the Atlas Mountains. Assemblage requis. Sur l'étoile, soir se livre. Fixe la lune en équilibre, tendre son âme. Sur la ville cubiste tendre, ses rêves comme une pluie de sang, tendre son âme. Des voix d'homme forte ainsi. Redescend l'artiste comme les contes, le col qui le cuise, dont l'alcool laconique nique son âme. Et dans le club, leur danse la triste, quand lui s'élance le disautiste, quand passe l'heure qu'il espère. Qui l'enlace et qui prend son âme. Viendra celui qui désespère, un peu comme lui si sincère. À le faire descendre, lui résister. Le feront descendre s'ils insistent. Verront s'épandre un volcan triste, cendre et lave. Le sommet penché, il vit. Solides sont les allées publiques. Contre l'âme, les voix comme les coups des femmes. Attendrissent là. François and the Atlas Mountains avec Tendre et l'âme. Ah, son âge requis. On prend une petite pause au retour. Il nous reste une grosse pointe à l'adresse. Et aussi, on va parler de l'Eurovision pour vous faire entendre une pièce que vous avez sûrement aimée. Au retour à l'assemblage requis. C'est du yodel! Oulala! Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. C'est fou! 89 ans. Toujours à Assemblage requis pour la semaine du 8 mai 2017. Elle se nomme Tania Baudin. Et lui, Mathieu Plante. Et absolument. David Ferron, à qui je parle depuis tantôt pour parler de ce qui s'en vient pour la chanson qu'on va faire jouer de Yodel. Et là, il me dit, est-ce que tu veux que je passe au studio tantôt? Fait que je sais pas quoi faire avec ça. Je pense qu'il va venir parler de ça. Fait que peut-être qu'on fera pas ça tout de suite, finalement. Ben là, on sait bien pas, là. David. Il dit, est-ce que je peux passer au studio tantôt? Ben oui, tu peux, ben oui. Même comme là. Là, ça aurait été parfait, mais tu viens quand comme... ça te tente. C'est ça. Donc, on remet ça plus tard pour l'instant. On va s'écouter une autre petite pièce et après ça, on va voir ce qui s'en vient. Je peux pas vous l'annoncer à l'avance. On le sait pas. C'est juste pour ça. On l'a dit que c'est ce qu'on freestyle durant l'été. C'est ça, on a dit des surprises. Exactement. On aime ça. Alors, on va entendre une pièce, tiens, pourquoi pas, de Chouchou. Chouchou. Chouchou. Chouchou. Chouchou. Voici Wondering. Ah, il arrive, David. Ah, il arrive. Ben, c'est ça, il attend après. Juste après, David Ferron. Mm-hmm. Choo Choo et Wondering. Choo Choo. Choo Choo dans Semblage requis. Choo Choo, c'est le moment d'arriver à la station où David Ferron est situé. Choo Choo, ça va David? Choo Choo, ça va bien? Oui, absolument. T'es là pour une chronique spéciale parce que d'habitude, t'es pas là l'été. T'es pas, c'est vrai? On t'a pas vu, Adam? Ben non, exactement, je me cache. T'es même pas venu manger dans notre chronique de gastronomie. Ben non. Mais tu te reprends aujourd'hui. Oui. Et on commence avec ta carte bleachée. David Ferron, rédacteur en chef du journal Zone Campus, employé de C'est Fou et du Zone Campus pendant encore une bonne période de l'été, quand même cool. Toi et Tania, vous êtes pas mal avec le patron, les gens qui gardaient la place en vie. Ben toi aussi, Mathieu. Moins pas mal. Ben quand même, tu fais quand même beaucoup, beaucoup d'émissions. C'est vrai ça, quand merci, même. Merci, tout à fait. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Il manquerait bien des, y aurait bien des trous dans la programmation, je pense. Et Tania aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous deux? Qu'est-ce qu'on ferait sans on écouterait la sécheuse. Ouais, mais des fois, c'est bon une nouvelle brassée. Assemblage requis, c'est la meilleure brassée qu'on pourrait pas avoir après Palmarès du Monde, quel évidemment. Beau slogan, et l'Optrotter. Oui. C'est vrai, animateur de l'Optrotter tous les jeudis matins à 11h cet été. C'est subtil. Ouais, très subtil comme promotion. Mais t'es pas là pour nous parler de ton émission. En fait, t'es là pour nous parler un petit peu de l'Eurovision pour encore? Faire oui, un suivi des dernières semaines. Oui. On avait écouté une pièce de Yodel 2-3 fois avec toi. Oui, exactement. Et ça a traumatisé bien tout le monde, je crois. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Depuis ce temps-là, bien, on a vu que l'Ukraine et la Russie, c'est toujours pas l'amour entre les deux. Oh. Parce que l'Eurovision, présentement, là, live à la télévision partout en Europe. Le 11 mai, en ce moment, ça joue là. Oui, c'est la deuxième demi-finale qui joue. Okay. Il y a 18 pays en compétition. Le public et les jurys vont voter pour 10. Mm-hmm. Mais là, cette semi-finale 2 est assez particulière parce que c'est les gros favoris. Ils étaient surtout dans la semi-finale 1. Okay. Donc, la compétition était vraiment rude pour la semi-finale 1. Mais la semi-finale 2, ça se peut qu'on ait beaucoup de choses quétaines qui ressortent. Ah, d'accord. Oh, d'accord. C'est pas la crème. Hein, ça se peut que dans la finale, ça soit une finale un peu funky. Parce que ça va être les gagnants de la semi-finale 1 et de la semi-finale 2 qui vont s'affronter dans... Oui. Les 10 pays, les 20 pays de la semi-finale vont rejoindre le Big Five et le pays hôte qui est l'Ukraine, parce que l'Ukraine n'a pas à être sélectionnée, c'est le pays hôte. Par défaut. Ben, ils payent quand même la place, la scène et tout. T'sais, on leur fera pas en plus une demi-finale. Mais on les fera peut-être pas gagner. Pardon. Ben, habituellement, le pays hôte ne se classe pas tant que ça bien. Tu sais, c'est rapport la Suède l'année dernière qui s'est classé 5e. Ce qui est assez exceptionnel habituellement. Le pays hôte va se classer en bas du top 10 parce qu'ils ont tellement autre chose à penser que de mettre la promotion de leur groupe ou de l'artiste hôte. T'sais, ils ont tout organisé l'accueil parce qu'il faut dire aussi qu'il y a le village de l'Eurovision. Oui, un peu comme le village olympique. Oui, exactement. C'est le même principe. Il y a des facilités. Les bars sont ouverts tard la nuit pour accueillir beaucoup d'histoires. Les gens qui pissent à 8 pieds de l'urinoir. C'est ça, exactement. Oui, exactement. Dans le fond, là, présentement, c'est la semi-finale 2. Et pourquoi je disais que la Russie et l'Ukraine, c'est toujours pas l'amour fou entre les deux? Ben, on sait qu'en 2014-2015, la Russie, par un référendum, a réussi à annexer la Crimée, qui est une région ukrainienne avant 2014. Mais là, le problème, c'est que c'est toujours à l'ordre de l'Eurovision les conflits politiques parfois. Mais en fait, à chaque édition, il y a un problème. Mm-hmm. Par exemple, l'Arménie qui arrête pas de chialer sur l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan qui arrête pas de chialer sur l'Arménie parce que les deux pays s'aiment pas non plus. Hey, on peut-tu juste s'entendre dans la vie? Mais non, voyons, ça serait ben trop, serait ben trop facile. Il y a assez d'enjeux politiques dans les affaires de guerre là, que l'Eurovision, ça peut se faire. Là, ouais, mais ça donne un petit côté piment, malheureusement. Donc, finalement, la Russie, après que la représentante russe a dit, ben, tu étais en Crimée, donc tu ne peux pas participer à l'Eurovision. Mm-hmm. On a proposé plein de trucs, finalement. La Russie a dit, non, on abandonne, on diffuse même pas l'Eurovision, on n'est même pas intéressé. Ce qui peut leur valoir une peine de 3 ans d'exclusion. Ben, j'espère bien. Si tu veux pas jouer au jeu, hein, pourquoi est-ce qu'on t'inviterait l'année prochaine? Oui, l'Ukraine aussi va peut-être se faire exclure parce que oui, il faut qu'elle respecte les règles de son pays, mais les règles de son pays rentrent en conflit avec les règles de l'Eurovision. Ah, d'accord. Donc, ils ont respecté les règles de leur pays, mais pas ça de l'Eurovision. Fait que ça se peut que l'Ukraine aussi soit exclue pendant 3 ans. Aïe, aïe. Donc, la Russie et l'Ukraine, ce qui fait en sorte que tous les petits pays comme la Biélorussie ou encore tous les pays de l'ex-Europe de l'Est, ça peut les favoriser parce que tous les votes qui sont supposés aller à la Russie, c'est ce qui va arriver avec la Bulgarie qui est une favorite. qui joue présentement, ben, peut-être pas présentement, mais qui est dans les favoris des parieurs. Et quand la Russie s'est retirée, ça a bumpé la Bulgarie. Okay. Parce que justement, le vote qui était supposé d'aller à la Russie va se diviser un petit peu. Ça va se répartir. Wow. Donc ça, c'est la semi-finale 2 qui a lieu en ce moment. La finale, oui. C'est quand? La finale, c'est samedi. Samedi, c'est rapide. Donc, dans deux jours en plus. Il faut dire aussi que tous ceux et celles qui font la finale, demain soir, il y a un show devant les juges. Demain, vendredi 12 mai. Okay. Donc, ils ont tant des shows tout le temps, quand c'est pas les répétitions, quand c'est pas de se présenter dans les clubs ou dans les salles de spectacle, sont toujours, ils n'arrêtent jamais. Mais est-ce que le show de vendredi, c'est pour que les jurés puissent faire leur vote? Parce que samedi, c'est en direct, donc ils peuvent pas commencer à avoir les votes en direct. Non, exactement, parce que ça risque d'être compliqué. Si les juges devaient voter samedi, ça aurait été trop compliqué parce qu'il faut aussi rentrer les télévotes samedi. C'est ça, donc trois votes de 3 heures de délai où on joue un film pendant qu'on attend, hein, tu sais. Ouais, non, non, c'est long terme. Non, tandis que là, ils peuvent voter, mais on ne saura pas le résultat avant samedi. D'accord. Et là, ça va être énervant parce que là, est-ce que c'est l'Italie qui va gagner avec son gorille? Un gorille? Oui, il va avoir un gorille sur scène. Génial. Attends, quoi? Il fait du il y a un gorille qui fait du gorillance. Ouais. Du gorillance. Du gorillance. Est-ce que c'est un vrai ou est-ce que c'est un costume, là? C'est un costume. OK. OK, c'est un homme dans un costume. Ou une femme, de on le sait pas. Ou une femme. Ou une femme. Peut-être. Ou autre. Ben oui. Ou autre. On un, fait être, discrimination. Un être humain. Un humain. Ouais. Exactement, un humain déguisé en gorille qui fait du breakdance. Ouais. Et ça peut faire gagner l'Eurovision. OK. Ah, wow, d'accord. Mais la toune est cool, c'est philosophique. Ben, la toune. La toune. Oui, exactement. Un gorille, tu sais. L'année passée, il y a quelqu'un qui s'est essayé avec un loup, mais pas un vrai loup, c'était numérisé. Là, okay. Parce que t'as pas le droit de mettre des animaux sur scène. Ben, j'espère. Là. J'imagine. Cruauté. Oui, exactement. Et justement, pour revenir à l'Ukraine, la Russie, c'est qu'il y a deux journalistes russes qui étaient accrédités, tout, qui devaient y aller, mais qui se sont dit non, vous avez couvert un événement en Crimée. Sortez. Hein, c'est conduite anti-sportive, quoi. Ouais, ouais, légèrement. Ouais. Hein, c'est ça, donc. On n'est pas aux Jeux Olympiques, là. Non, non, non. Ben, les autorités russes, regarde ton passeport. Si tu vas dans ton passeport, t'es en Crimée, t'es out. N'allez pas en Crimée si vous pensez aller à l'Ukraine après. Allez en Ukraine et après ça en Crimée. Mais retournez pas à l'Ukraine, c'est sûr qu'ils vont dire dehors. C'est des rancuniers, un petit peu. Ouais, vraiment. Oui, mais en fait, c'est une loi ukrainienne qui fait en sorte que si tu as été en Ukraine, en Crimée, tu peux pas aller en Ukraine. Ouais. C'est une loi, c'est gouvernemental, c'est comme... Je comprends. Parce que comme la Crimée a été annexée par la Russie par référendum, mais disons que la Russie a tout fait pour l'annexer, il y a une petite rancœur par rapport à ça. Mais oui, mais c'est juste la rancœur, là. Leur loi, elle tient que sur la rancœur. C'est comme, mettons, si l'Ontario prendrait l'Abitibi. Là, je fais une métaphore un peu bizarre. Mettons, l'Ontario prendrait l'Abitibi. C'est un enjeu, un vrai enjeu. Ouais, c'est clairement. L'Abitibi deviendrait... Ils ont des ressources exceptionnelles. Ben, pour vrai, quand même, il y a beaucoup d'Abitibiens qui vont en Ontario. Il y en a beaucoup qui s'installent là pour travailler. Peut-être pas la génération actuelle, mais... Avant, les baby-boomers et avant se sont installés parce qu'il y avait plus de jobs, plus d'opportunités. Mm-hmm. On les appelle justement les Abitibi de boomers. Abitibi-boomers. Ah, c'est bien pensé, ça. Abitibi-baby-boomers. Pareil. En tout cas. Une nom de toune, c'est même cool. C'est Richard Desjardins, hein. Ouais, exactement. C'est la version techno. Ouais. De tu m'aimes-tu. Donc, c'est ça. Là, il va y avoir... on sait jamais qui vont être en semi-finale, les finalistes, c'est ça. Ce qui est le fun, c'est qu'avec les bookmakers, ceux qui parient, on sait ceux qui ont fait un bon show ou pas, c'est que leur cote bonne. Ouais. Mais là, c'est drôle parce que l'Auto-Québec nous a permis de voter sur qui allait devenir président des États-Unis, qui allait devenir... Bon, peu importe, il y en a eu plein, les présidents de la France récemment. Mais l'Eurovision, personne s'en occupe? Non, ben tu peux... Tu peux? Oui, tu peux parier sur... oui. As-tu parié? Non, pas moi. Qui étaient tes préférés, sinon? J'avais la Finlande, mais la Finlande s'est faite flusher par la Grèce. La Grèce est vraiment mauvais, pour vrai. C'est méchant ce que je vais dire ça, mais c'est comme, en fait, un restant cheapette de la Gay Pride de 1994. Okay. Il a pas été avec le dos de la cuillère. Non, Non, je sais que c'est un peu cheapette, mais tu sais, des fois, ce qui arrive, c'est qu'avec la division du vote ou peu importe, par exemple, il y avait la Suède qui était contre la Finlande et souvent, le bloc des pays du Nord, souvent, ils vont se mobiliser pour voter sur un pays. Donc, il y a toujours un pays de l'Europe du Nord qui va en écoper. Là, cette fois-ci, c'était la Finlande qui a écopé contre la Suède. Je pense que c'est ça, mais il y a d'autres hypothèses aussi. Des fois, ça peut être serré aussi. Des fois, les juges et le public n'ont pas les mêmes critères de vote. Le jury va regarder l'originalité, la mise en scène et tout, tandis que le public, c'est vraiment le coup de cœur. Ouais. Donc, ce qui fait en sorte des fois qu'il y a de la disparité entre le jury et le vote. Des fois, il y a un pays qui aurait pu gagner avec le jury et être en dernier avec le public. Mm-hmm. Mais c'est rare que ça fait ça, mais des fois, ça se peut. Ouais. T'en connais des choses pas mal sur l'Eurovision, hein? Oh oui, j'arrive. Est-ce que genre tu fais de la recherche intensive? Ouais. Non, c'est juste que j'ai un fil de nouvelles que je me suis inscrit puis ça arrive pop. C'est ça. Ah, c'est ça, c'est okay. Le fun. Et les fils de nouvelles. Hein? Imagine s'ils mettaient autant d'efforts sur la trottinette. C'est une blague. Mais c'est vrai que je mets moins de temps sur c'est une blague. C'est pas bon. L'Op trottinette, on t'écoute les jeudis matin à 11h. Mais tu sais, pour dire qu'on a un petit extrait à écouter. En fait, on va écouter la pièce au complet. C'est la performance des préférés de tout le monde et leur mère. Ceux qui nous rassemblent à Joaquin depuis des mois. C'est-à-dire la nôtre. Oui, la nôtre. C'est notre ça. Préféré notre à nous. Notre préféré à nous et nos mères. Oui. Parce qu'il y a eu des yodelers qui viennent de la Roumanie. Oui. Donc des Roumains. Oui. Hein? Et des Roumagnols. Roumagnols. Ben, je sais pas. Donc, c'est Ilinka featuring Alex Florea. Oui. Ceux qui l'ont entendu vont se rappeler d'eux. Ceux qui l'ont pas entendu vont se dire pourquoi est-ce que vous avez joué ça autant de fois. Hey, c'était bon, là. C'est pas pire. Moi, je l'ai pas détesté, cette tune-là. Non, c'est ça. Je la mettrais même dans ma playlist. Ah ouais, tu vas la jouer en piste avec Tania Bowden. Non, mais je la mettrais dans ma playlist, mettons, là, de choses. Que j'écoute pas trop souvent, ouais. Mais que j'écoute une fois de temps en temps. C'est bon. Mais Tania Yodel super bien. Ah oui? Oui. Ben, apparemment, il m'a fait ce compliment-là l'autre jour après que j'ai yodelé dans son show. Ah ben. Ben, elle yodel beaucoup mieux que moi. Ouais. Apparemment. Mais bon, et on passe de tout autre commandant. On va laisser les vrais artistes le faire. Oui. Ils sont charmants. Faut les voir, ils sont charmants ensemble. Yodel it en direct, presque à quelques minutes de délai de ouais. l'Eurovision 2017. Show the spark that makes you glow. You always run away, you always say no to the right things. Don't try to hide the light inside of you. The day might be the day when you make it, baby. So bring it on, I'm a dreamer. If you don't believe you, come and see me, I will teach you. If you never try, you'll never be alive. You are gonna miss out on this ride. Confused of doing all this work you really don't want to be doing. I should be fine, it's time to feel alive. Don't stop reaching for the stars and keep on moving. So bring it on, I'm a dreamer. If you don't believe you come and see me, I will teach you. If you never try, you'll never be alive. You are gonna miss out on this ride. Featuring Alex Florea, Yolette de Roumanie, presque presque en direct de l'Eurovision il y a quelques minutes à peine. C'est le décalage horaire. C'est le décalage horaire, exactement. Mais on est content de l'avoir presque en direct. Comme ça, ça vient juste de se passer. Ben oui. C'est génial. Merci, David. Ben, ça fait plaisir. Apparemment qu'il y a des trucs beaucoup plus quétaines que ça. On peut peut-être pas les jouer. Peut-être. Non, exactement. Non, je vous ai montré l'Espagne avec son Do It For Your Lover. Je pensais que ça allait être le hit, mais non, c'est le yodel. Je suis content. Ouais, ça marche. La fille, elle yodel sur un méchantant. Ah, pour vrai. C'est impressionnant, mais ça reste un petit peu un novelty act. Là, plusieurs chansons de ça, tout un album au complet, je sais pas si ça prendrait. Non, je ne sais pas s'ils feront un album ou... Non, ça serait énervant. Un petit peu énervant. Ouais, novelty, c'est la première fois que j'entends dans un contexte francophone. Ouais, ben oui, je sais pas. Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? Quelque chose de un novelty, quelque chose en français. Hein. Mais des novelty, il y en a plein à l'Eurovision, ça qui est ouais, le fun. Il y a des fois, c'est original pour gagner ou pour avancer. Oui, ben oui, t'as pas le choix. Ouais. Bon. On te retrouve une autre fois, David Ferron, toi qui es bien occupé cet été, comme bien les gens, on accueille les gens qui peuvent quand ils peuvent. Oui, puis si je peux donner un conseil à Xavier. Xavier McLeish, chroniqueur vers le début de la deuxième heure, oui. Oui, exactement. Un toast avec du miel le matin, le lendemain matin, c'est pratique. Pour? Si jamais tu rencontres quelqu'un qui a mal à la tête. Ah, les gens qui ont beaucoup bu d'alcool. Un toast avec du miel? Oui. Ben, j'avoue. En tant que hangover cure? Oui. Ben, probablement que la fille qui fait du yodel, c'est comme son drink de prédilection tout le temps. Le miel, ouais. Pour réussir à yodeler comme ça. Le miel. Ouais. Ouais. Pas fou. C'est un bon conseil. Je pensais que tu trouvais un conseil pour l'empêcher de zozoter parce que tu trouvais qu'il zozotait dans la Ben, j'ai pas trouvé non plus. Ah, mais tu sais. Ben, non. Non, non, au contraire, j'ai pas trouvé qu'il zozotait. Non. Non, ben, on va lui transmettre le message. Oui. Merci David. Ben merci beaucoup de m'avoir accueilli encore une fois. À très bientôt. À bientôt. Et si tu repasses dans le coin ou si tu restes dans le coin, on verra ce que ça donne. Oui. Mais une grosse pointe tendresse s'en vient juste après la pause. Slurp. Ah slurp. Bonjour Assemblage Rocky. Avec Mathieu Plante. Et Tania Baudin. Mais aussi David Ferron. David, salut! On est là pour la semaine du 8 mai 2017 dans les studios de C'est fou à Trois-Rivières. On vous rappelle les heures de diffusion pour cet été en passant. Hein. On est toujours en direct les jeudis à 14h et on repasse le samedi à midi et le mercredi à 11h. Pour ceux qui ont manqué un bout de l'émission, reprenez-vous, s'il vous plaît. C'est là que vous pouvez le faire. Ouais. Maintenant, notre chronique préférée, je pense, à la fin de l'émission. On garde ça pour la fin parce que c'est le meilleur. Hein, c'est un hein. Voici une grosse pointe Aldress. C'est toujours le fun d'avoir une petite syllabe de David Ferron dans l'intro à chaque fois. C'était quoi c'est ta syllabe aujourd'hui? C'était quoi? B? En fait, Donc, c'est ça qu'elle fait. Une grosse pointe tendresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheté en magasin, en épicerie, en dépanneur, en pharmacie, peu importe, quelque chose de malsain, quelque chose qu'on ne devrait pas acheter, qui a beaucoup de calories des fois. Ça peut être sucré, ça peut être salé, ça peut être fade, ça peut être bon, et on donne un verdict à la fin. Et aujourd'hui, comme je l'ai mentionné en intro, en fait, j'ai amené les deux produits en studio parce que je voulais vous laisser le choix, mais je me rappelle qu'en début d'émission, j'ai laissé tomber un petit indice dans le tout sur... début. Les... Je te rappelle pas si c'était dans l'intro avant qu'on commence l'émission, là, dans l'intro avant la chanson thème. T'es certain? Parce que moi, j'ai vu passer quelque chose sur Facebook. Oui, aussi, tout à fait. Qui m'a donné une puce à l'oreille. C'est le même texte, en fait, que j'ai. OK. Tu le copies quand même. Je dirais quelque chose qui se mange. Quelque chose qui se mange. Qui clairement. Est sucré. Qui est souvent sucré. Ouais. Puis qui reste pogné dans les dents. Et voilà. David, est-ce que tu as une idée de ce qui s'en vient? Ben, on dirait des jujubes. Des jujubes! Oh! Voilà. C'est comme si t'avais lu l'intro sur le Facebook. Ben, même pas, en fait. Qu'est-ce qui se crée qui pogne dans les dents? C'est sûrement pas un Oreo trempé dans le lait. Ça aurait pu aussi. Je trouve la crème d'Oreo va quand même te pogner dans les dents. Ouais, c'est vrai. Dépendant. C'est des plombages ou pas? Ouais, ça dépend aussi de l'écart entre tes dents. Ouais, fascinant. Donc, aujourd'hui, notre produit, est, c'est des jujubes, et, mais c'est des jujubes vraiment particuliers. J'avais jamais vu ça de ma vie. C'est par la compagnie Carnaby Sweet. Ce sont des oursons gommeux enrobés de chocolat. Chocolate covered gummy bears. J'avais jamais entendu la traduction ourson gommeux. Fait que là, t'es en train de me dire que j'aurais pas dû me prendre des petites amandes enrobées de chocolat après mon dîner. Après, j'avais un rush de sucre. Là, tu l'as perdu ton rush à cause de tes 5-6. Oui, j'en veux plus, là. T'en veux plus, mais... j'en veux plus. Pas, dommage. Ben, c'est bien que t'aies un petit côté épicunier comme ça. Épicunier, ça veut dire épicurien, je me souviens. Épicurien, je veux dire. Épicurien, c'est comme... Qu'est-ce qui est épicurien là-dedans? Ben, le fait, il y a hédoniste et épicurien. Hédoniste, c'est quelqu'un qui va manger tout le sac au complet de manière gloutonne. Ouais. Parce que... Ça m'arrive quand je suis dans ma semaine. Ah, c'est bon. Ah. Confession intime avec Tania Baudin. Tandis qu'être épicurien, c'est que tu vas prendre... Contente de peu. Mais tu vas le savourer en maudit. Ouais, ça. Hey, j'ai savouré mes petites amandes en robe de chocolat tout à l'heure. Ouais. Donc, et pécuniaire, est-ce qu'on sait ce que c'est? C'est de l'argent, c'est par rapport à l'argent. C'est ça, sur le modèle financier, ça se bien transformant. Parce que les chocolats de Tania valaient tout l'or du monde. Ben, ça valait surtout 3,25 cents. Bref, ça pour dire que nos petits oursons gommeux à arôme artificiel, selon le sac, évidemment, c'est pas du vrai chocolat, ni de vrais ours. Il n'y a pas la saveur de vrais ours. Ah, ben là, franchement, chocolat, j'en veux pas. Non, moi non plus. C'est pas des vrais ours. Donc, parmi les ingrédients, enrobage de chocolat au lait qui est composé. Ah, c'est du vrai chocolat, donc sucre, beurre de cacao, chocolat non sucré, substance laitière, lécithine de soya, sel, arôme naturel. Et là, tu as apprécié les ingrédients des oursons gélifiés. Et ça peut contenir des arachides, des noix, des œufs et du blé. Étrange. OK. Pour des œufs, des oursons gommeux qui peuvent contenir du lait, des œufs. Ouais, c'est ça, du lait, des œufs, du blé, des arachides. 160 calories pour 10 morceaux de 31 grammes. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Ourson gélifié à l'arôme fruité enrobé de véritable chocolat au lait. Voilà, donc ça va être des jujubes aux fruits. Donc, les gens qui sont allergiques aux œufs, aux arachides et qui sont diabétiques, c'est pas recommandé. Si vous voulez tuer quelqu'un... Ouais, c'est ça, hein? Ça ressemble à ça. Oh, OK. Ben, au revoir, Tania. Au revoir, Mathieu. Content de vous avoir connu. Il n'y a pas de pelure de pommes dedans, au moins. Sur l'emballage, on voit vraiment, ils ont mis un pot de vitre, comme si les jujubes devaient aller dans un pot de vitre. Donc, c'est comme si on imitait un petit peu le pot de vitre sur l'emballage. C'est comme en arrière et en avant, vous comprenez. Donc, ça fait fruits défendus. Ça fait vos parents vous disent de ne pas en manger avant le souper parce que ça va vous gâcher l'appétit. Hein? Tania, je te passe ça. Est-ce qu'on a un micro magique aujourd'hui? Ouais. David, transitionne de micro, puis donne-nous le micro magique, s'il te plaît. David, merci beaucoup. Voilà, merci. Elle flatte le sac pour que ça soit bien hermétiquement fermé. Mais c'est le visage de David. Les petits oursons veulent sortir. Quoi? Pour une fois que c'était pas sexuel. Pour une fois qu'il n'y avait pas de jeu de mots de poche. Je pense que c'est moi qui ai l'esprit tordu aujourd'hui. Là, si tu savais tout ce que j'ai pas compris. Non. C'est vraiment mal ouvert en passant. Oui, vraiment, mais. Moi, ces sacs-là, là, ça. Les haïs. De toute façon, pourquoi tu voudrais refermer ça? Il y en a tellement peu dedans. Oh, ça a l'air vraiment plein, par exemple, en passant. Ça sent le chocolat, je ne l'ai même pas encore ouvert. Est-ce que ça sent un petit peu les fruits? C'est supposé être des jujubes aux fruits enrobés. Ça sent les fruits. Ça sent les petits jujubes aux fruits, là. Oh! Je l'ai ouvert. Bravo. Oui. Oh mon Dieu, ça sent les fruits! Ouh! Oh! David, je te prête le sac pour que tu puisses t'en prendre. En fait, ça sent vraiment le cherry blossom un peu. Ouais, okay. Ouais, tout à fait, c'est vrai, moi aussi. Mais j'avoue, la cerise, le cherry blossom et le chocolat, c'est ça, c'est le même combo, le fruit et le chocolat. Fait que là, ça, c'est aux cerises? Ben, je sais pas si c'est aux fruits, mais il y a sûrement aux cerises dedans. J'imagine qu'il y a toutes les couleurs habituelles, merci. Sur l'emballage, il y a une pâte jaune, une pâte verte et une pâte rouge. T'as tout à fait raison, donc peut-être les rouges seraient aux cerises. On sait pas. Ok, je m'en verse un petit peu ici. Oh, c'est des... ils sont quand même bien collés ensemble. Des fois, il y en a plusieurs qui sont collés bon, ensemble. David veut que nos ours se parlent. Ah, bah oui, vous faites pas les voix? Non, je suis désolée, là, ça va faire. Salut, je suis Youpi. Est-ce qu'on croque dedans ou on le prend un coup sec, messieurs? Ah, j'avoue qu'on pourrait croquer pour voir comment c'est à l'intérieur, hein? Ouais. Bon, moi, j'avoue que ceux que j'ai pognés sont. David a déjà craqué dedans, il est déjà à moitié mangé. Non, ben non, il est intact, mon ours. On croque. OK. Oh, lui, j'ai un star. Non. Moi, il est jaune. Moi, il est vert. Ah, moi, il est jaune. Il est rouge, hein? Ah! Citron. Mais les jaunes sont au citron. Les rouges, je sais pas, c'est du chimique, là. Ça fait. Ben, sûrement cerise. C'est très gélatineux, là. Mais c'est le fun, le combo avec le chocolat. Ça t'en pas à ça? Non, c'est vrai. On le goûte quand même. C'est pas du chocolat solide, c'est du chocolat quand même assez mou, qui se croque bien, il n'y a pas de croustillant dedans. C'est du chocolat au lait traditionnel, j'imagine cheap un peu. C'est bon, c'est bon. C'est pas mauvais. Je pense, hey, je pense que j'ai un vert puis un rouge devant moi. Wow. Mmh. Moi, j'ai que des rouges. Le vert. Le vert goûte la lime. Mmh. Moi, j'en ai pris juste un. Hein. T'as juste pris un? Oui. Ben, alors, je vais retourner dans le temps. Non, attends. Ça. Il est bleu. Hein? Ben, coudon, non, il y a... le vert goûte la pomme verte. Est-ce que toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, coudon? J'ai comme pas. C'est vraiment sucré, hein? C'est très sucré. C'est mon rush de sucre, là, et... Une petite poignée. Je peux comprendre qu'il est refermable, finalement, le sac. Hey, je vais en avoir mangé trois, mais il est courblé, là. Mm-hmm. Jaune citron, c'est ça que c'est citron. Ah oui, oh. Le jaune, c'est citron, c'est sûr. On aurait dû s'amener de l'eau. Moi, j'adore la saveur de citron déjà en partant. Mm-hmm. Tu peux mettre du citron où tu veux, là. Tu sais, genre dans les pâtes, sur du pain, n'importe où, le manger, je trouve ça bon, le citron. Et du chocolat qui enrobe quelque chose, c'est toujours bon aussi. Donc, c'est réussi. Ben, le chocolat qui enveloppe son trait, c'est super bon. Ouais, pour vrai. J'ai déjà été à l'insectarium pour manger ça, puis c'est excellent. T'en as demandé une deuxième portion, hein. Ça serait genre... Ben, on pouvait pas. Moi, j'aime beaucoup. En tout cas, moi, je donne mon pouce en l'air facilement à ces oursons gommeux enrobés de chocolat. Pouce en l'air pour moi. Qui d'autre? Très pouce en l'air tout pour le monde, moi. Pouce en l'air. Ouais, ouais. Génial. Par la compagnie Carnaby Street, Sweet, pardon, pas Street, même si leur pancarte ressemble à des pancartes de rue dans leur logo, c'est comme un jeu de mots avec Carnaby Street, Sweet, tu comprends? C'est un jeu de mots. J'adore ça, c'est super bon. Et pour le reste, on a bien sûr des nouvelles de fast-food, et cette semaine, j'ai une thématique, donc c'est la thématique McDonald's. Que des choses qui se passent chez McDonald's. Pour commencer, McDonald's qui essaie de copier la chaîne de dépanneurs Sonic aux États-Unis avec leur nouvelle slush au Minute Maid. Miam, hein? C'est ce qu'ils faisaient un petit peu chez Sonic. Donc, c'est Nation's Restaurant News qui nous rapporte que McDonald's a démarré une ligne de slush au Minute Maid aux États-Unis, dont la saveur connue, la plus connue des dépanneurs Sonic, qui est la Cherry Limeade. C'est une limonade de lime avec de la cerise à l'intérieur. Oh, je serais pas tant cerise, moi, David. J'aime beaucoup, moi. Ben, c'est sûr que ça rappelle le sirop un peu, hein? Oui. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est comme aux bananes, tu sais. C'est ça. Ouais, ça. Bref, il y a trois saveurs: orangeade, punch aux fruits et la cherry limeade. J'ai toujours eu de la misère à dire ce mot-là. Limeade. Limeade. Non, ouais. Limeade, comme la limeade. Lime. Ouais, limeade. Ouais. C'est pas un beau mot. C'est pas un non, jeu de mots. Non, je sais. Bref, on combine du jus de fruits et de la glace, c'est tout ce qu'on a à dire là-dessus. C'est présentement disponible dans le Midwest et le Sud américain, entre autres Chicago, Michigan, l'Ohio et Houston. On sait pas encore si ça va venir ailleurs, mais des slushs chez McDonald's avec du Minute Maid dedans, moi j'aimerais vraiment ça, c'est très très rafraîchissant l'été. On a des smoothies chez McDonald's, ici on a des laits frappés. On a eu des slushs aussi, je pense, il me semble récent. Ensuite, une chaîne de burgers irlandaise qui poursuit McDonald's parce qu'ils ont copyrighté tout ce qu'il y a Mac ou Mac dedans. Les noms qui débutent par MC ou MAC sont très très communs, particulièrement en Irlande. On le sait, c'est quand même remarquable là-bas. Et ben maintenant, il y a eu un cease and desist qu'on appelle, donc qui est un ordre, si on veut, d'arrêt d'utilisation de la marque de la part de McDonald's. Donc c'est une chaîne de hamburgers irlandaise qui défie McDonald's versus son appropriation de tout ce qui est Mac. Selon le Irish Times, donc c'est la chaîne Supermax qui est basée à Galway. Ils ont environ 100 restaurants. Ils accusent McDonald's d'intimidation par rapport à leur marque de commerce. McDonald's qui essaie d'empêcher les plus petites chaînes de prendre de l'expansion en Europe à cause de l'utilisation du mot Mac. Le propriétaire de Supermax s'appelle Pat McDonough, donc c'est vraiment son vrai nom, McDonough, D-O-N-A-G-H, qui a demandé au Bureau de propriété intellectuelle de l'Union européenne d'annuler la marque de commerce de McDonald's pour le Big Mac, accusant la chaîne de fast-food d'essayer de faire le plus d'argent possible et d'enlever la compétition du marché. Évidemment, on va suivre le dossier, voir si ça avance là-dedans, mais bon, t'sais, si ton nom s'appelle Mac puis tu choisis de t'appeler Super Mac, ça n'a pas rapport avec McDonald's, c'est ton nom. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Je peux comprendre, McDonald's existe depuis longtemps aussi. Mais quand même, on espère juste qu'Apple poursuivra pas les deux compagnies. Ben, c'est ça. Tu sais, rendu là, je veux dire, une pomme, c'est une pomme, hein? D'un nom commun. Mais on comprend aussi parce que c'est sûr qu'au niveau propriété intellectuelle, c'est sûr que McDonald's, des fois, il doit avoir beaucoup de droits qui siphonnent d'autres C'est ça. Chaîne plus petite. Puis la petite chaîne aurait pu s'appeler n'importe comment, mais il a choisi de s'appeler Super Mac en sachant que son nom était Mac, en se disant ça va quand même m'amener du. Ouais. De la publicité, tu sais. Mais c'est quand même une bonne question d'éthique. Ouais. Les droits d'auteur par rapport aux grandes chaînes, les petites chaînes, ça amène quand même des questions intéressantes. Absolument. Ensuite, est-ce que vous connaissez le dessin animé Rick and Morty? Rick and Morty. Ça me dit quelque chose. C'est juste sur Cartoon Network. Et les fans aimeraient vraiment beaucoup que la sauce Mulan de chez McDonald's revienne parce que ça a été mentionné dans l'émission de télé. À l'époque où le film Mulan était sorti, le film de Disney, il y avait eu une petite sauce spéciale. Une sauce style, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, un genre de sauce sucrée salée. Là. Thaï. Thaï, exactement. Donc c'était pour l'épisode du Poisson d'avril de Rick and Morty. Ça a été produit cette sauce-là seulement pendant une période limitée en 1998, une sauce Sichuan qui était une promotion pour Mulan. Donc, et puis c'est ça a été mentionné dans l'émission. Ça dit que qu'on sait pas vraiment si la sauce avait été populaire à ce moment-là. Y a pas, tu sais, y avait pas internet tant que ça dans ce temps-là. Il y en avait un petit peu, mais pas autant. Donc c'est difficile de retrouver les critiques de ce que les gens avaient pensé de ça. Mais Rick, dans l'émission de télé, devient obsédé de cette sauce-là dans l'épisode de Rick Shank Rickdemption pour le Poisson d'avril. Donc il a essayé de concocter une sauce pour essayer de la copier. Et maintenant, les fans demandent à McDonald's de ramener cette sauce-là. Il y avait 11 000 signatures en date de l'article. Et puis aussi une publicité vidéo de 1998 de la sauce. Si ça vous intéresse, allez voir ça sur assemblagerequis.com. La sauce faisait partie donc du marketing de Disney avec des jouets pour le joyeux festin aussi. Il y avait des ensembles de 6 morceaux et de 20 morceaux de McCroquette. Et voilà. Donc, sauce sichuanaise pour Mulan à l'époque. Toujours pas de commentaires de la part de Disney en date de l'article. Bon. Ensuite, un étranger achète à un employé de chez McDonald's un nouveau vélo pour ne pas avoir à marcher aussi longtemps pour se rendre au travail pour l'employé. C'est cute, c'est hein? C'est pas gentil. L'employé de McDonald's qui devait faire 20 000 de distance, 20 000 en kilomètres étant 32. Ah, t'as-tu dit 40? Ben, je sais pas plus que 32. 32, oui. Ah bon? Bref, il devait marcher 32 km pour aller au travail chaque jour. Et il y a maintenant un nouveau vélo grâce à un autre client qui voulait le récompenser selon WTVR.com. Donc, un client avait entendu parler du fait que la personne aimait beaucoup son emploi. Et donc, quelques minutes plus tard, il y a quelqu'un qui a amené un nouveau vélo. Voilà. Mmh. C'est gentil. Hein. Mais c'est gentil. Est-ce que c'est 32 km aller-retour, 32 km aller? Je crois que c'est seulement aller. Ben là. Je crois. Walk 20 miles to work. Ça dit pas to and from work dans l'article. Ah, dans le titre, ça ne disait pas, mais dans le début de l'article, ça dit oui. Donc, c'est 32 km aller-retour chaque jour. Confirmé. Merci de me poser la question. Ça me force à lire un petit peu plus l'article. Ensuite, pour impressionner les gens qui vont au cinéma, la chaîne de cinéma AMC essaie d'imiter un petit peu McDonald's. Donc, c'est l'exécutif haut placé chez AMC Theaters, la plus grande chaîne de cinéma au monde, qui a pensé à ça, qui a réfléchi à qu'est-ce qu'il pourrait faire, plus que du popcorn, des bonbons et de la liqueur. Donc, à la place, on essaie d'aller plus loin un petit peu en faisant des genres de pizza et des genres de hamburgers, si je comprends bien, de la friture en masse. Il y a des crêpes, des gaufres, excuse-moi, très frites aussi. Donc, ils vont dépenser $700 millions pour rénover leur cinéma en 2017. C'est plus que la nourriture. Il y a aussi les sièges qui vont être modifiés, etc. Ils vont avoir des frites torsadées aussi et des collations au salami. Je sais pas, ça va me semble sentir fort dans le cinéma. Il me semble que je vais au cinéma, j'ai pas envie d'avoir toutes ces odeurs-là qui m'agressent le nez. Mais bon, on dit que le nouveau menu va avoir des ingrédients de plus haute qualité, donc des saucisses à hot dog tout bœuf et des options plus santé aussi. Pour les gens qui veulent évidemment aller au cinéma, mais se calmer sur la prise de poids. Il doit être des gens qui regardent des films d'auteurs, voyons le sait. Des films d'auteurs de répertoire. Ouais, exactement. Voilà. Des films d'art et d'essai. toujours chez McDonald's, il y a peut-être un mois environ, j'avais parlé de machines à crème glacée qui étaient tout le temps brisées chez McDonald's aux États-Unis. McDonald's s'est engagé à remplacer les machines de crème glacée après des années de plaintes de gens qui ne pouvaient pas avoir leur McFlurry. Toujours brisé, toujours... incapacité, si on veut, c'était selon... c'est pas un mot, ça. Selon le Wall Street Journal, qui nous dit que les restaurants McDonald's de partout au pays et en Europe vont commencer à avoir de nouvelles machines à crème glacée qui vont être apparemment plus faciles à nettoyer, parce que c'était un des problèmes souvent chez McDonald's, c'était la raison que les machines fonctionnaient pas. C'est pas qu'elles étaient défectueuses, c'est qu'il y avait des heures à un moment donné où il fallait laver et faire un paquet technique, et ça prenait du temps, puis comme les McDonald's étaient ouverts 24 heures, ben il y avait des cases horaires où ils étaient obligés de le faire. Bref, la maintenance de ces machines-là était plutôt compliquée et on pouvait pas avoir nos célèbres McFlurries. Et maintenant, on a travaillé là-dessus et apparemment que ça va être changé bientôt. Ensuite, McDonald's traite bien son Coca-Cola, sa liqueur, ses boissons gazeuses pour qu'il soit meilleur que les vraies boissons gazeuses. Donc, la chaîne de fast-food, nous dit-on, met le paquet en termes de communication pour prouver que ses produits sont de bonne qualité. En fait, que ses produits sont les meilleurs par rapport à ses concurrents, même si on pourrait croire que les boissons gazeuses servies dans les chaînes de restauration rapide, c'est pareil partout. McDonald's veut donc s'assurer que son Coca ait bien un bon goût. Et ça ne laisse rien au hasard. On dit que le coca est transporté dans des fûts en métal pour éviter le mauvais goût que le plastique donne aux boissons et pour conserver la fraîcheur. Le géant de la malbouffe fait également attention à sa température de stockage et à ne pas rompre la chaîne du froid, donc que ça reste froid du début à la fin. Ça va aussi jusqu'à la manière dont les ingrédients sont stockés et même à ses pailles qui sont étudiées, les pailles. McDonald's ne rigole pas quand il s'agit de montrer que ses produits sont de bons produits. Mais bon, moi j'aime ça. Je les aime bien, leur liqueur, chez McDonald's. Mais je vous trouve pas que c'est meilleur que dans une autre restauration rapide. C'est de la liqueur, là. Ça battra jamais le wood beer d'Aïdou. Tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Je sais pas si c'est la glace qui est bonne là-bas ou les... Moi, je pense que c'est la vitre. Est-ce que tu as déjà goûté, Tania? Je sais pas si tu bois beaucoup de liqueur, mais David, la liqueur Coke, disons, en bouteille de vitre, t'as l'impression qu'elle est meilleure. C'est vrai. Oh. Ça, j'ai déjà goûté, ouais. Est-ce que c'est parce que la vitre te donne une autre sensation ou est-ce que c'est juste parce que psychologiquement, je pense que c'est le fait que la canette te donne une autre sensation. C'est ça, ou la bouteille de plastique. Ouais. C'est pas nécessairement la vitre qui donne un meilleur goût, mais elle fait juste pas donner un moins bon goût que le plastique ou le... Puis la texture aussi, c'est con à dire, mais c'est plus confortable. La forme de la bouteille, hein? Ouais, aussi. C'est vrai. Il fait que t'en as pas beaucoup dedans, fait que tu la savoures plus, tu sais, puis c'est plus cher. Ta bouteille de vitre va peut-être te coûter, genre, je sais pas, 2-3 piastres. J'ai aucune idée comment ça coûte, une bouteille de liqueur en vitre, parce que tu les achètes en pack de liqueur. Je sais pas, hein? Mais bref, je sais pas. Tu la dégustes. Tu la dégustes, voilà. Ensuite, McDonald's a réussi à trouver une vieille route romaine de la Roumanie. Romaine? Oui. Roumaine. En dessous d'un restaurant italien qu'ils étaient en train de reconstruire. Donc, c'est un restaurant de Fratocci en Italie. Les gens peuvent maintenant manger leur fast-food avec une petite note d'histoire à côté. C'est pour ça, je pense, David. Une petite note d'histoire. Donc, en creusant les fondations de la bâtisse en 2014, on a réussi à trouver les restants d'une route roumaine. Et McDonald's a accepté de commanditer l'excavation de cette route-là pour la restaurer, genre. Donc, le restaurant de fast-food s'est engagé et s'est assemblé avec les autorités archéologiques de la place pour incorporer cette route-là dans le design du restaurant. C'est cool, hein? Selon le New York Times, le site est ouvert au public en plus. Donc, la rue est maintenant protégée dans une galerie en dessous du McDonald's située dans le sud de Rome. La galerie a un toit en vitre, donc les visiteurs peuvent voir la rue du restaurant en haut. Il y a aussi une entrée séparée accessible par le stationnement pour que les gens qui ne sont pas clients de chez McDonald's puissent quand même aller voir la rue. Wow! C'est le fun, hein? La rue fait environ 150 pieds. C'était construit entre le premier et le deuxième... c'est à l'envers, là. C'est avant JC. Là. Fait que c'est entre la deuxième et la première année avant JC. OK, durant... Faut y aller l'avant, à l'arrière, t'sais. Quand l'Empire romain était quasiment en pleine expansion, que ça laisse pas bien, là. Tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est comme si j'allais le dire. T'sais. Pareil. Puis ça s'appelle comment, ce McDonald's-là? C'est dans la ville de Fratocci, en Italie, F-R-A-T-T-O-C-C-H-I-E. Donc, c'est le McDonald's de Fratocci. McDonald's a contribué environ 318 000 $ américains au projet et vont aussi aider à maintenir le site. C'est leur premier restaurant / musée, selon Mario Federico, qui est chef de McDonald's Italia. Et c'est vraiment cool comme idée, j'aime ça. Très bonne chose. Ensuite, un homme qui a demandé sa femme en mariage, oui, avec une boîte de croquettes de poulet. Les croquettes de poulet, c'est évidemment une des choses qui vont te convaincre d'être en couple avec quelqu'un. Je pense que le chemin vers le cœur est toujours par la nourriture. Comment est-ce qu'on dit ça? Comment est-ce qu'on dit le chemin vers le cœur de quelqu'un par sa bouche? Par son ventre. Par son ventre. Son estomac. Son estomac. On conquiert quelqu'un par l'estomac? On conquiert quelqu'un. Ouais. Par l'estomac. On parle mal aujourd'hui. Ouais, hein? Bref, un homme a demandé un mariage de sa femme pour la Saint-Valentin, tiens, avec une boîte de croquettes de poulet. Je n'avais pas entendu parler. C'était dans les nouvelles de McDonald's que j'avais. Le couple qui s'est rencontré il y a 2 ans, le 4 juillet, ils ont révélé qu'ils avaient déjà des plans de se marier la prochaine Saint-Valentin, donc l'an prochain. J'imagine que ça va être en 2018 parce que c'est la nouvelle date de cette année. Ensuite, McDonald's sert des comptes levés. Voilà, en République tchèque pour un temps limité. Wow. C'est un menu à thématique barbecue, donc on offre des côtes levées en République tchèque. C'est évidemment du porc sur l'os. Et puis sur le menu, il va aussi avoir le Big Tasty au bacon et le Big Barbecue au bacon. Et ça vient des côtes levées avec un choix de sauce à tremper. Ça ressemble un petit peu à la sauce du McRibs qu'il y a des fois aux États-Unis. Est-ce qu'on a déjà eu le McCôte levé au Canada? Il me semble que oui, hein. Me semble que oui, on l'a déjà eu. Donc ça ressemble un petit peu à ça, sauf que le mec côte levée, c'est vraiment juste une slab, une grosse tranche de viande en forme de côte levée, alors que là, ce sont des côtes levées sur l'os, pour vrai. C'est vrai. Chez Médoulin, en République tchèque. Allez voir sur assemblagerequis.com pour les photos. Ensuite, le mec côte levée, justement, parlons-en, on peut se faire notre propre version du mec côte levée à la maison. Ah ouais? Mmh. Oui, un des préférés des gens qui attendent toute l'année pour avoir leur mec côte levée. Donc, c'est J. Kenji Lopez Alt chez Serious Eats qui a essayé de copier ça avec son Ribby McRib Face. Donc, on dit un McRib, mais encore meilleur. Ouais. Avec, bien sûr, des côtes levées, de l'épaule de porc, du dry rub, le truc que tu frottes sur sur ta viande. Donc, barbecue, de la sauce barbecue, des oignons, des cornichons et des pains. Donc, allez voir la recette. Allez sur assemblagerequis.com. Miam, miam, miam. Un petit peu de saveur de fumée sur la boulette avant de l'envoyer sur le grill. Il y a plein d'autres versions, d'ailleurs, du McRib, mais celle-là, apparemment, est bien bonne. Ensuite, toujours McDonald's qui a fabriqué un distributeur automatique de Big Mac. Apparemment que ça date un petit peu, mais j'en avais pas encore entendu parler. McDonald's a baptisé sa machine Big Mac ATM, donc distributeur automatique de Big Mac. Peu importe son nom, c'est une machine qui ne fait qu'une seule chose, vous donnez un Big Mac, un Mac Junior ou un Grand Mac. Ce sont les trois versions de Big Mac en ce moment, pour une raison de faire de plus d'argent, un petit peu. Donc, une opération marketing pour les habitants de Boston aux États-Unis au mois de février qui pouvaient aussi profiter durant l'après-midi de burgers gratuits. Donc, c'était une opération marketing d'une seule journée. Ensuite, une femme a été hospitalisée après avoir bu un latte corrosif chez McDonald's. Ben voyons donc. Je te jure, donc, quelques conséquences qu'on peut avoir des fois en allant dans un fast-food. Ici, c'est après avoir... C'est un site de nouvelles suédois, The Local, qui nous dit que Rebecca Sjölund a récemment acheté un latte chez McDonald's à Ögelholm, dans le sud de la Suède. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que son café avait été fabriqué dans une machine qui aurait dû être éteinte et non utilisée parce qu'elle était en train d'être nettoyée avec une substance corrosive. Après avoir bu son café contaminé, Sjölund a vécu des symptômes horribles. Elle a dit à The Local qu'elle avait de la difficulté à respirer et qu'elle pouvait ressentir immédiatement que quelque chose n'allait pas, donc qu'il y avait de la corrosion dans sa bouche. Elle était terrifiée. Sjölund s'est rendue à la salle d'urgence où elle a passé 4 heures à se faire traiter. Elle s'en est remis. Ça aurait pu être pire, nous dit-on. On dit que l'agent corrosif était dilué parce qu'il y avait de l'eau et du lait dans son verre. On a fait la combinaison au verre pour lait pour faire le latte, bien sûr. Donc ça aurait pu être pire si ça avait été concentré. On dit que l'incident est très sérieux, mais on a promis de compenser Sjölund. J'espère que ça va être payé très cher, cette gaffe de McDonald's. McDonald's qui sert un menu complet de Oreo à Hong Kong. McDonald's a signé un accord avec Oreo à Hong Kong pour avoir un nouveau menu McCafé X Oreo avec des Oreo Thins, entre autres, des petits minces Oreo, comme on a ici au Canada depuis quelques temps. Donc le menu chocolaté, c'est deux desserts et deux boissons. Il y a le Oreo Tiramisu et la tarte au fromage. Ouh là là! Tarte au fromage, il y avait ça de Cheese Tart. Est-ce que le menu est disponible en ligne? pour en commander directement de Hong Kong. C'est ça, ça serait pas pire. Hein? C'est pas pire. 20 minutes où c'est gratuit, je pense. Donc, c'est une tarte au Oreo cuite au four avec du fromage, pas du fromage, du chocolat fondu et du fromage à la crème. Donc, c'est un peu comme un gâteau de fromage Oreo. Les boissons Oreo, c'est le Oreo Chino, disponible chaud ou froid, et le Oreo Tiramisu Latte, les deux avec des morceaux d'Oreo en miettes. Ah, ça a l'air fantastique. On va devoir terminer très bientôt. Je vais en faire un dernier. C'est McDonald's qui sert un gros McFlurry géant en France. Le McFlurry Party, oui. C'est donc une tasse, un contenant beaucoup plus gros que la normale. C'est supposé servir entre 2 et 4 personnes. Clairement, c'est comme un pack de crème glacée. Un gros pack de crème glacée. Donc, ça vient avec plusieurs petits verres à côté, un peu comme un pichet de bière pour pouvoir faire vos portions comme ça vous tente. Ça vient avec un couvert au cas où vous voulez ramener vos restants à la maison. Alors, vite, j'imagine que ça va falloir manger ça assez rapidement. C'est un McFlurry format familial. Un McFlurry format familial. Exactement. Est-ce que vous avez vu les nouveaux McFlurry qui viennent de sortir en passant? Non, à quel saveur? Il y en a un à saveur de score et il y en a un avec chocolat et caramel salé. Oh boy! Ça vient te rejoindre, non, Mathieu? Je pense que tu viens de me dire où aller souper ce soir. Ça dit que 70% des ventes de McDonald's passent par le service à l'auto au restaurant McDonald's en France. Et il y a beaucoup de gens qui prennent un McFlurry, donc voilà. Je sais pas si c'est tant populaire que ça ici. Je me le demande. Non, à cause de la température, tu sais, ça vient de désavantager les McFlurry. Ils en servent à l'année longue, c'est ça l'affaire, mais ça doit se vendre pas mal plus l'été. Ça dit que McDonald's en France essaie de faire que les gens viennent s'asseoir dans le restaurant pour manger, évidemment, le format familial du McFlurry. Ah ouais, parce que je pensais que la politique de McDo, c'est que tu manges vite et tu t'en vas vite. Ben, moins de ces temps-ci, parce qu'ils ont tout changé les McDonald's avec des petits divans, ben des oui. foyers. Ils veulent vraiment que tu restes là plus longtemps. C'est rendu plus luxueux que Tim Hortons. Avant, c'était Tim Hortons qui avait un petit semblant de classe, et McDo, c'était plus, pas crado, mais... Oui, je suis d'accord. De base. Tandis que là, c'est le contraire. Ils ont monté une coche pas mal, je suis d'accord. Oui. Avec même ouais. Le café rendu meilleur au McDo qu'au Tim Hortons. C'est vrai, ça aussi. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est tout pour une grosse pointe d'adresse. On a terminé l'émission là-dessus et pas mal. Allez voir assemblagerequis.com pour les notes de l'émission. Allez chercher les notes de l'émission numéro 1104 pour les liens de l'émission d'aujourd'hui. Et nous, on va se terminer ça comme le veut la tradition avec notre chanson de fermeture. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à Xavier McLeish pour sa chronique La Conique. Oui. Merci aussi à David Ferron. Ben, merci de m'avoir invité. Bien sûr. Yodely, yodely. Yodely. Yodely. Tu vois, regarde comment elle est bonne. Apparemment, elle yodel bien. Elle a un certain talent. Oui. Je ne ferai pas une chanson complète. Non, c'est ça. Mais c'est yodel, c'est ça. Je vais tester avec les gens de mon entourage, voir à quel point je peux yodeler, puis ouais. Ils vont pas capoter. On a beaucoup parlé de lui aujourd'hui, de ton entourage. Ben, parlant de mon entourage, genre les gens avec qui je vis, là. Ah, je pensais que tu parlais de non. Bonjour, l'entourage. Je pensais que tu parlais de Tractionade. Non, je suis désolée. Il faut écouter l'émission tout le temps pour savoir qu'on parle. Savoir qui est Tractionade, il fallait écouter il y a bien longtemps. Vraiment, ben, on encourage la loyauté des gens. Exactement. Soyez avec nous la semaine prochaine, jeudi, entre 14h et 17h, pour une nouvelle édition d'Assemblage Requis. Après nous, à 17h, si tout va bien, est-ce que c'est cette semaine ou la semaine prochaine, commencera Rock Révélé. Ensuite, on repasse les samedis entre midi et 15h. Après nous, c'est toi qui s'en viens, Tania Baudin. De quoi tu nous as parlé cette semaine? J'ai comme un blanc de ce que j'ai discuté hier. En fait, on a fait le retour, bien évidemment, sur ce qui s'est passé dans la dernière semaine dans le monde de la course automobile. On a aussi parlé des nouveaux projets de Fernando Alonso du côté de la Formule 1. Peut-être qu'on s'enlignerait vers une retraite qui pourrait être moins dans le monde de la course automobile après une triple couronne. Hein? Ah non, pas vraiment. Monsieur Alonso? Oui, c'est ça. Puis on a parlé aussi des problèmes financiers envers les programmes verts des véhicules électriques et des véhicules verts au Québec. On investit beaucoup, mais on sait pas où est-ce qu'on s'en va. Ah, ben con. C'est désavantageux. Ah oui, c'est en piste avec Tania Baudin qui s'en vient à partir de 15h pour les auditeurs du samedi. On repasse finalement les mercredis entre 11h et 14h. C'est aussi en piste, mais là, ça va être une nouvelle édition, puis c'est dans une semaine pour nous autres. Ouais, c'est ça, fait qu'on se calme. On dira pas ce qui s'en vient. David, on t'écoute à l'émission Génial... pas Génial Liberté, L'Homme Trotteur, juste après Génial Liberté. Ouais, exactement, oui. À 11h les jeudis. Et ça repasse les dimanches à 10h et les samedis à 17h, dans un autre ordre, mais quand même. Voilà. Exact. On se quitte avec une dernière pièce. Tania, rapidement comme ça, est-ce que tu as une pièce que tu as envie d'entendre pour la fin de l'émission? Rapidement comme ça, là, pourquoi est-ce qu'on va pas écouter du pouvoir de Allo Mode? Génial. Oh. On se quitte là-dessus et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bye. Bye. Bonne semaine. Oh oui. Shut up.